Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 37 du Bras de fer des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, l'éternel, l'irréductible, le toujours aussi passionné, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut JF! Je suis passionné! En effet! Et est-ce que ça va? Oui, ça va super bien, à part que j'arrête pas d'essuyer mon front, il fait très chaud dans mon appartement. Ah, c'est une vraie torture, là, tourner cet épisode-là. Là, je l'ai fait avec passion. Ah, moi, je suis au frais dans mon sous-sol. Ah. Et quoi de neuf? Ah, pas grand-chose. J'ai écouté quand même plusieurs trucs intéressants qu'on va faire dans un épisode Time Out pas mal plus loin. Là. Mm-hmm. Mais j'ai très hâte de vous parler de mon impression sur Twin Peaks. C'est vrai? Mm-hmm. Puis au moment où ce que les gens écoutent ça en ce moment, t'es à Fantasia. Exactement. La semaine prochaine, dès dimanche, je m'en vais à Fantasia. Ben là, dans le fond, vu que l'épisode va être mis en ligne la semaine prochaine. Mais oui, j'étais à Fantasia et j'étais en train de triper. Sans doute que au moment où tu vas le poster, je vais être en train d'écouter soit Turbo Kid avec toute la gang ou soit Ju-on, The Final Chapter. Turbo Kid, cool. Yes, fait que j'ai vraiment hâte, je vais filmer plein de choses, puis comme je disais, je vais essayer de faire un petit vidéo capsule sur le Fantasia pour le bras de fer, puis montrer qu'est-ce que tu vas manquer toi, parce que je sais que tu voulais absolument aller voir IM Tour, ouais. Et le rencontrer, mais malheureusement tu seras pas là, fait qu'au moins je me dis, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que t'as manqué, puis juste te faire encore plus chier, dans le fond. C'est un vieux has-been, c'est juste ça, je t'avertis, là, je l'ai vu, comme je t'ai dit, je l'ai vu à Total Crap, je n'avais parlé dans le dernier Time Out, je l'ai vu à Total Crap il y a peut-être 2-3 ans, puis même plus que ça, ça doit faire 4 ans, puis non, c'est un has-been de tort, mais c'est drôle, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son documentaire, ça va être un petit peu plein d'images d'archives comme il y a dans sur mon DVD que j'ai ici, la anthologie, son anthologie de toutes ses apparitions télé puis ses vidéos de musique, mais t'as des trucs assez priceless, là, assez drôles. Et en plus, je viens aujourd'hui de me procurer un joli trio. J'ai acheté It Follows, Ex Machina et Wim Wood. Et je suis impatient de voir les trois, surtout It Follows. Je pense qu'on va en discuter durant le time-out, puis qu'on va avoir beaucoup de plaisir, selon moi. Ouais, je suis dans la minorité qui n'a pas trop trippé, mais d'ici à ce qu'on en reparle, je vais essayer de le revoir pour essayer de voir si c'est mon opinion elle reste la même ou pas. Fait que, ah, ok, cool, ça va être intéressant. Parce que moi, je l'ai vu au cinéma, puis j'étais pas très, très emballé. Surtout que je n'avais entendu parler pendant quasiment 6 mois avant. Moi, je veux pas non plus tout le temps les comparer, mais tu sais, les films... It Follows a été souvent mis un peu en comparaison avec Babadook, même s'il n'y a aucun rapport. Les deux films n'ont pas du tout rapport l'un avec l'autre. C'est juste que c'était comme les deux meilleurs films d'horreur selon les critiques et selon le public. C'est les deux meilleurs films d'horreur de la dernière année, mettons. Puis moi, j'étais un gros défenseur de Babadook. Puis je sais pas, j'étais un petit peu contre l'idée d'It Follows que tout le monde le mette au-dessus de Babadook. Ça me faisait chier personnellement. T'sais, j'étais contre ça avant même de l'avoir vu. Fait que je l'ai peut-être vu avec un... avec tout de suite un préjugé, mais je vais lui donner une deuxième chance. Puis, mais je m'en rappelle très très bien, puis c'est comme... Non. Parce que j'ai pas trouvé ça épeurant. C'est surtout ça l'affaire, ça m'a pas du tout effrayé. Mais bon, on verra. J'ai hâte de voir ça. Sinon, ben c'est ça. Moi, rien de nouveau. Dans les prochaines semaines, je reçois de la visite. Fait que j'ai le visionnement de film va slacker pas mal. Puis ben, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de télé. Fait que tout mon temps que je devrais passer, que normalement je passerais avec des films, je le passe avec de la télé beaucoup. Fait que t'sais, j'ai fini la première saison de Salem, j'ai commencé la deuxième. Je pense que je suis rendu au quatrième épisode de la deuxième. Puis c'est vraiment le fun rendu dans la deuxième. T'sais, j'ai qu'est-ce que j'ai. Ben, j'ai commencé les X-Files la semaine passée. Je veux tout revoir la série avant la nouvelle saison. On avait déjà parlé de toute façon de tout ça, fait que je ne recommencerai pas tout ça, mais c'est ça. J'écoute beaucoup de télé. Fait que aujourd'hui, nos épisodes, c'est toi qui les as choisis. Veux-tu nous parler de ton choix rapidement avant qu'on commence à les décortiquer? Bien sûr, j'ai décidé d'y aller. En fait, j'avais une autre idée au départ. On était pratiquement certain que j'allais choisir ces deux films-là. Puis j'ai changé à la dernière minute, ce qui t'a un peu surpris. Puis je me suis dit, tiens, on va y aller dans un terrain connu pour JF, les films musicaux, où il y a de la danse et du chant et tout le tralala. Et j'ai décidé d'y aller avec le classique Moulin Rouge, que j'avais pas vu depuis quand même un bon moment. Et toi non plus, je crois. Oui, même chose. Et pour le nanar en avait, j'ai décidé d'y aller avec The Rooftop de Jay Chou, parce que tu me connais, j'aime le cinéma asiatique, puis j'aime ça, essayer de te tester sans arrêt. Fait que là, je me suis dit, je vais y aller avec un film asiatique. Là, c'est taïwanais, mais je me suis dit, je vais y aller avec un film musical. Peut-être qu'il là, il va apprécier, puis qu'il pourra pas me dire que X raison, là, trop d'action. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal cette raison-là. Je me suis dit, ça va être le fun de y aller dans ton terrain connu, puis. En même temps, moi, ça me tentait de les revoir, ces deux films-là. Je filais pour ça. Bon, mais sans plus tarder, commençons le match de bras de fer. Moulin Rouge est un film musical américano-australien réalisé par Baz Luhrmann et sorti en 2001. Le film s'inspire en grande partie du roman La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Le scénario a été signé par Baz Luhrmann et Craig Pierce. Le film met en vedette Ewan McGregor, Nicole Kidman, Jim Broadbent, Richard Roxburgh et John Leguizamo. Et le résumé va comme suit. Dans le Paris de la Belle Époque, Christian, un jeune poète plein d'espoir, s'installe à Montmartre, cœur de la vie de Bohème. Il rencontre par hasard Toulouse-Lautrec, qui va le convaincre d'écrire une pièce pour le Moulin Rouge. Il va alors rencontrer Satine, la principale meneuse de revue du Moulin Rouge, ainsi que l'extravagant Harold Zidler, le propriétaire du cabaret. Il décide de les aider, par le biais de la pièce, à sauver le cabaret face à leur principal investisseur, le duc de Monrot, fou de Satine, qu'il considère comme sa propriété privée. On vous met un extrait et on revient tout de suite. Venez me chercher, les hommes. Ils la désiraient tous. Mais lui seul osait l'aimer. Vous m'attendiez, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Le nouveau film du réalisateur de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Je suis bête d'avoir cru que vous pourriez aimer quelqu'un comme moi. Je ne peux aimer personne. Je suis payée pour faire croire aux hommes ce qu'ils veulent. Je crois à la vérité, à la liberté et par-dessus tout à l'amour. Tu vas ruiner mon commerce, je le sens. Je suis prêt à investir pour faire de vous une star. J'exige un contrat par lequel Satine sera exclusivement à moi. Il peut tout détruire. Fais croire à Christian que tu ne l'aimes pas. Il se battra pour moi. Blesse-le. Blesse-le pour le sauver. Quoi qu'il puisse arriver, nous nous aimons. Tu es le poète. Non ! Silence ! Moulin Rouge. C'était quoi ton histoire avec Moulin Rouge ? C'est tellement drôle d'entendre des Anglais dire ça, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? j'ai pas une si grosse histoire avec ça, parce que lorsque c'est sorti en 2001, Moulin Rouge, ça m'intéressait pas vraiment. J'étais plus intéressé aux films d'action, j'étais plus jeune, je me foutais un peu de ce film-là, je savais que c'était bien populaire. Je connaissais la chanson avec Christina Aguilera qui jouait partout. Puis plusieurs années plus tard, lorsque j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à toutes sortes de films, j'ai écouté... je me suis concentré en réellement écouter le Roméo et Juliette du même réalisateur. Finalement, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai comme fait, ça m'intéresse de découvrir plus sa filmographie. Puis c'est là que j'avais décidé de revoir plus correctement parce que j'avais vu Par bois super écran dans le temps, Moulin Rouge. Puis lorsque je l'avais revu, j'avais comme vraiment beaucoup adoré. J'avais adoré la musique. Il y a plein de trucs qui m'avaient beaucoup plu. C'est ça. Au fil des années, je l'ai réécouté une couple de fois. Puis c'est un film que j'appréciais beaucoup. Puis là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Fait que j'étais intrigué de voir si mon amour pour le Moulin Rouge était toujours intact. Et toi, Jeff? Je pense qu'on n'en parle pas assez de nos jours, mais t'as raison que le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann est vraiment intéressant. Moi, je l'avais vu au cinéma, puis j'avais vraiment beaucoup aimé la manière qui filmait son montage, tout ça. Puis, le côté moderne de l'histoire, tu sais, comment t'allais moderniser ça, puis ouais. Remplacer, puis c'est vraiment... Ça fait quand même un bout que je l'ai pas vu non plus, mais je l'avais racheté en Blu-ray lorsque le réalisateur avait sorti les nouvelles éditions de Moulin Rouge et Roméo et Juliette, puis c'était tout remasterisé sous sa supervision, puis tout ça. Puis lorsque je l'ai réécouté en Blu-ray, Roméo et Juliette, ça a vraiment été une claque, comme fait... En plus, là-dedans, c'est pas juste Leonardo DiCaprio, il est beau, puis ah ouais, pour les films. Non, Leonardo DiCaprio, il est vraiment bon dans le film, puis t'as plusieurs scènes vraiment intenses, côté dramatique, qui jouent, qui sont vraiment bonnes, là, puis c'est quand même une tâche un peu casse-gueule de moderniser un conte aussi populaire, Roméo et Juliette, dans un temps moderne, surtout en gardant intact le langage. Puis les dialogues. Oui, parce que c'est quasiment... Ben, je pense que c'est la pièce au complet. Là. Ouais, c'est ça. Il y a pratiquement rien modifié. Puis ça marche. C'est ça qui est drôle. Au départ, ça aurait pu être ridicule, mais ça marchait. Ça fait un clash au début. Tu fais « OK, c'est weird, là, mais ouais, ça marche. » là. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'avais vu ça au cinéma. Puis pendant que j'y pense, le mentionner, c'est un... Dans le fond, Roméo Juliette et Moulin Rouge, ce sont les parties 2 et 3 d'une... trilogie, si on veut, du réalisateur qui commençait avec en 92 avec Strictly Ballroom. C'est ça, sa trilogie du Rideau Rouge. Je pense pas que les films aient vraiment de lien entre eux autres, mais c'est juste la thématique un peu théâtrale et tout ça. Là, fait que c'est ça. Fait que Moulin Rouge, ça a sorti au cinéma, je l'ai pas vu à ce moment-là. Je pense que j'étais dans une période où j'étais un petit peu brûlé des comédies musicales. Puis, tu sais, le retour se faisait, là, c'est amorcé avec ça, puis avec Chicago, mais c'était pas justement, tu sais, quelques années avant, on avait eu genre Evita qui était pas extraordinaire, c'était pas désastreux à mes yeux, mais c'était pas non plus extraordinaire. Puis, il y avait pas. Les années 90, c'était très très pauvre, films musicaux. Fait que j'étais pas super emballé par Moulin Rouge. Puis, ça a pris un bout de temps. À un moment donné, je me prenais dans mon club vidéo, j'habitais. Dans la ville de Québec à ce moment-là, puis je me prenais à mon club vidéo, je checkais des films, j'essayais de trouver quelque chose à me louer ce soir-là, puis sur la TV, il y avait Moulin Rouge qui jouait. Puis le déclic pour moi s'est fait quand je me suis rendu compte que dans le film, c'était des chansons connues. Puis je pense que j'ai entendu Your Song d'Elton John, la première chanson que Ewan McGregor chante au complet dans le film, sa grande déclaration d'amour, fait que ça a comme fait un déclic parce que c'est une chanson que j'adorais en partant. Fait que j'étais un gros, gros fan d'Elton John, surtout du vieux Elton John des premières années, je veux dire. Puis, fait que c'est ça, ça m'a vraiment fait un gros déclic. Puis je me suis rendu compte après ça, en voyant d'autres extraits du film, que là, il y avait d'autres chansons connues. Fait que je fais, OK, ça c'est vraiment plus dans c'est quelque chose de vraiment original dans mon style, surtout que les chansons sont faites de manière. Les arrangements sont vraiment originaux, tu sais, orchestral, tout ça. Fait que là, ça m'intriguait. Puis quand j'ai vu le film, finalement, la fin de semaine que je l'ai vu, je pense que je l'ai écouté en deux jours, je l'ai écouté trois fois. C'était un film de deux heures, là, tu sais, puis je capotais bien raide. Puis je pense que je l'avais copié, là, d'un VHS à un autre. Puis Puis j'arrêtais pas de faire jouer les chansons. Jusqu'au temps que le jour où je m'achète la soundtrack en CD, j'ai arrêté de faire jouer à VHS, mais je faisais juste avancer le film aux chansons tout le temps. Pour ça, j'ai acheté la soundtrack, puis là, je l'écoutais à longueur de journée, puis je chantais les chansons à du tête, puis j'essayais d'imiter, Ewan McGregor. Mais c'est ça, ça a pris après ça. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je l'avais trop vu, le film, fait que j'ai comme arrêté pendant plusieurs années, puis je l'ai pas revu de jusqu'à aujourd'hui. Je l'avais pas revu depuis peut-être 12 ou 13 ans, tu sais, ou peut-être, mettons 10-12 ans, dans ce coin-là. Là. OK. Je l'avais pas revu depuis ce temps-là, fait que c'était le fun de le redécouvrir. Mais c'est drôle parce que, d'habitude, quand on fait nos épisodes, c'est tout le temps le classique, celui qu'on met en premier, que j'écoute en premier, tandis que là, j'ai écouté The Rooftop en premier, je l'ai écouté genre là, 3 jours, par curiosité, là, ça m'intriguait sur Netflix, puis... Puis c'est ça, j'ai attendu avant de voir Moulin Rouge parce que j'avais peur que le film soit trop... Dans ma tête, le film est un peu naïf. T'sais, j'ai vieilli un peu depuis ce temps-là. Je suis plus le jeune début, mi-vingtaine que j'étais à l'époque quand j'écoutais le film, puis que j'étais célibataire, puis que toute cette vision-là de l'amour me parlait au bout, me parlait vraiment beaucoup. Puis j'avais peur que ce soit trop naïf à mes yeux. Puis, ben, on va en reparler, mais par où tu veux qu'on commence, en fait, parce que là, je serais prêt à parler un peu de mon opinion. Fait que Ben, vas-y, je te dirais, vas-y avec qu'est-ce qui te donne envie de partir le sujet. Là. OK, ben, c'est ça. Dans le fond, je trouve que le film, à travers Ewan McGregor, il y a un regard sur l'amour très, très, très naïf, très jeune homme, justement. T'sais, Ewan McGregor, son personnage de Christian, n'a pas connu l'amour. Il veut écrire sur l'amour, c'est un auteur, il veut écrire des poèmes, des trucs sur l'amour, mais il n'a jamais connu l'amour. Puis il idéalise l'amour, en fait. T'sais, il voit ça grandiose au bout. Puis, j'ai déjà mentionné, on est dans un épisode, je ne sais plus à quel propos, mais je disais, quand tu es adolescent, là, puis... tu tombes en amour, puis t'as une peine d'amour, c'est le gros drame, là. T'as quasiment envie de t'ouvrir les veines, tout est plus dramatique quand t'es jeune. Puis ce film-là, je trouve que c'est vraiment un film pour les jeunes, t'sais, pour les jeunes amoureux, ceux qui rêvent d'être amoureux, puis je dis pas que je suis rendu vieux cynique, là, à 38 ans, mais c'est comme, je le vois comme ça maintenant, t'sais, je m'identifie moins au personnage, je les observe plus dans le fond d'un regard extérieur, plus distant un peu, en me disant, OK, c'est cute, c'est beau des voir amoureux, mais en même temps, je trouve ça un petit peu cheesy. Quoique, Ewan McGregor et Nicole Kidman ensemble, j'y crois. J'y crois dès la première minute qu'ils se voient, de leur première scène ensemble, puis à chaque scène d'amour ensemble, j'y crois absolument. Puis la sincérité dans le jeu de Ewan McGregor surtout, mais aussi dans celui de Nicole Kidman, ça vient me toucher, là. Autant que je trouvais ça cheesy quand je le regardais aujourd'hui, le film, je me suis laissé prendre par les émotions durant la chanson Your Song, durant la chanson, durant le medley sur l'éléphant. Tu sais, à chaque fois, là, ça me reprend tout de suite les mêmes émotions que j'ai vécues quand je l'ai vu pour la première fois. C'est comme, j'avais quasiment les larmes aux yeux, puis le mouton dans la gorge. J'étais comme, mais voyons donc, ça me pogne encore. Puis l'archimie est redoutable. Oui, c'est ça. Puis toute la force des sentiments, puis dès qu'il arrive des problèmes plus tard dans le film, c'est comme, ça me pogne aux tripes puis au cœur. Et pourtant, je trouve ça hyper cheesy de nos jours, le film. Puis le scénario est mince, mince, mince. C'est juste un triangle amoureux. C'est une histoire de jalousie, mais classique, là, comme ça se peut pas. Mm-hmm. Puis c'est ça, tu sais, mais la forme du film, tu sais, on va en parler plus en détail, mais tout le montage, la réalisation, le direction artistique, c'est incroyablement beau. Et l'interprétation, comme je disais, c'est superbe. Puis c'est ça, c'est empreint d'une grande honnêteté, d'une grande sincérité. On y croit à fond. On embarque là-dedans. Puis moi, ça vient me toucher. Là, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dis, c'est un film au scénario très mince, mais qui va compenser avec tout le reste, que ce soit les prestations d'acteurs, que ce soit le soundtrack incroyable, la réalisation, les décors, les vêtements, les costumes, tout est juste visuellement incroyable, puis auditif aussi, parce que comme tu disais, le soundtrack, c'est juste des chansons qu'on connaît, mais qui sortent de nulle part, puis qui nous surprend, puis ça, Là, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, à chaque fois que je reconnaissais une chanson, ça me faisait comme un petit effet de rafraîchissant. Je trouvais ça une bonne idée, puisque ça donne des chansons vraiment entraînantes, bourrées d'énergie. Tu sais, t'as même une toune de Nirvana à un moment donné. Là. Oui. Tu sais, c'est comme, ah, oh, moi, je me rappelle quand j'avais écouté, je pensais jamais entendre une toune de Nirvana ça, dans Moulin Rouge. Premièrement, ben, d'une part, ça donne un poids aux émotions, parce qu'on connaît déjà les chansons, fait qu'on a déjà un attachement à ça. Fait que, tu sais, plutôt qu'une comédie musicale où tu découvres les chansons au fur et à mesure, puis t'es pas attaché à ça, puis tu t'emmerdes peut-être durant les chansons, là, t'es connais déjà, fait que t'as un souvenir lié aux chansons, tu sais. Fait que le poids des émotions est plus fort. Puis, ça fait un peu, ce film-là, ce que le film Chevalier avec Heath Ledger, A Knight's Tale, essayait de faire, c'est-à-dire mettre de la musique et un style contemporain dans une histoire une histoire médiévale. Oui. Là, ça fait un peu la même chose dans le sens où ça essaie de nous mettre des chansons contemporaines dans une histoire qui se passe au début du 20e siècle. Mais là, ça marche cette fois-là parce que c'est tellement fait avec doigté puis talent puis tout ça. Baz Luhrmann est un grand artiste, tu sais. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que la seule affaire que ça m'a fait dire, c'est que je me rappelle encore les gens qui écoutaient Chevalier lorsqu'ils venaient de sortir, puis c'est comme... C'est dans le temps médiéval, comment ils peuvent chanter la toune de Queen? Je suis comme, OK, come on. Mais moi, personnellement, j'avais aimé ça, Chevalier. T'sais, j'avais aimé quand même les acteurs, j'avais aimé l'histoire. Puis le côté un peu ridicule de ça, moi, je le voyais plus comme le réalisateur ou le scénariste qui te faisait un clin d'œil en disant, gars, je sais que c'est niaiseux, mais en même temps, embarque dans le joke. Là, puis, Ben, c'est ça, c'est un film hollywoodien, t'es là pour avoir du fun. T'sais, si tu commences sérieusement à analyser en disant comment ils peuvent chanter la toune de Queen, c'est parce que t'as pas compris l'intérêt du réalisateur. Là. Non, c'est ça, il savait ce qu'il faisait, tu sais. Puis comme tu dis, ben Baz Luhrmann, c'est un... Mais il amène ça à un niveau supérieur, lui, là. Niveau supérieur, puis en même temps, c'est pas pareil. T'sais, on est dans un film musical, puis ça m'a pas dérangé d'entendre des musiques qui sortent un peu de partout. Même t'as une reprise de Like a Virgin de Madonna dans un numéro plus humoriste, si on j'adore veut. J'adore l'arrangement plus musical de ça, oui. L'orchestre, tout ça. J'adore les voix, c'est tous des hommes qui chantent Like a Virgin, c'est intéressant, là. Mais comme toi, tu sais, je suis un fanatique de films d'histoire d'amour, je suis quelqu'un de quétaine, moi, ça me prend pas grand-chose pour broyer, puis je l'ai tout le temps redit, mais Wreck 3, c'est un film qui m'a bouleversé, puis que je trouvais, puis il y en a bien qui trouvaient que c'était quétaine, moi j'adore. Puis Moulin Rouge, c'est une histoire d'amour très quétaine, très, très enfantin, comme tu dis, très adolescent, parce qu'on... Ewan McGregor, la manière qu'il en parle et qu'il voit ça, ben c'est comme moi lorsque j'avais pas connu ça, être en couple, ces choses-là. Fait que tu sais, au stade qu'on est aujourd'hui, on peut pas forcément s'identifier à eux ou penser la même chose. On n'a plus ce genre de vision-là de l'amour. Mais comme tu dis, les acteurs sont tellement bons, tellement sincères, que finalement, tu n'es pas obligé de t'identifier. On fait juste embarquer, puis leurs performances sont tellement incroyables que finalement, l'histoire d'amour a fini par prendre le dessus. Le côté trop... Je pense que c'est plus au début que le côté est un peu trop naïf niveau triangle amoureux. Après, on embarque dans un triangle amoureux plus adulte, qui joue dans le dos, puis qui tente de cacher à l'autre. Puis moi, ça m'a rappelé certaines expériences que j'avais, tu sais, lorsque je fréquentais quelqu'un alors que j'étais déjà avec quelqu'un. Et oui, dimanche, je passe pour un trou de cul qui jouait dans le dos de ma copine. Mais vous savez pas l'histoire, fait que c'est pas grave. Mais c'est ça, à partir de là, je trouvais que ça... J'embarquais plus dans le déroulement des personnages, puis je m'identifiais un peu mieux à partir de là, mais je comprends ton point de vue, tu dis que c'est un peu plus naïf. Ben, c'est parce que c'est classique, tu sais. T'as vu ce triangle amoureux-là dans tous les autres films. Rajoute des chansons à Titanic, puis t'as Moulin Rouge. C'est la même histoire, tu sais. Mais en même temps, le film s'ouvre vraiment comme un film des années 50. Fait que je veux dire, ça fit dans qu'est-ce que le film tente de recréer. Oui, je veux dire, à cette époque-là, c'est des grandes histoires d'amour qui paraissent fantaisistes, puis... Oui, puis tu sais, sur Wikipédia, comme ils disent, comme j'ai dit tantôt, c'est inspiré en partie du roman La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, puis tu lis le résumé de La Dame aux Camélias, puis c'est ça, là, tu sais, c'est un roman écrit en 1800 quelque chose, puis c'est ça, c'est la même histoire, tu sais. Il y a un point, moi, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Je pense que c'est le point qui peut le plus rebuter les gens. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça donne une énergie au film, mais le film est très hystérique. Il y a un côté très... Le film tient pas sur une chaise. Là. C'est comme ça se balance d'un bord puis de l'autre, que ce soit tous les acteurs, puis le décor, puis la caméra. Je veux dire, c'est vraiment hystérique. Puis je me rappelle lorsque je l'avais vu pour la première fois, l'intro, j'étais pas certain. J'étais comme, OK, c'est vraiment un film comme ça. Puis à un moment donné, je me suis juste laissé embarquer par le délai. Puis ça a fait un peu la même affaire aujourd'hui. Je l'ai écouté, puis j'ai comme fait, c'est vrai, c'était vraiment hystérique comme ça, le film. Puis passé, la petite intro, quand tu rencontres les personnages de Joe Leguizamo, puis tout ça, puis que le personnage de Ewan McGregor va au Moulin Rouge, je pense que finalement, c'est à partir de là, je réembarque dans le délai, puis je suis comme, OK, ouais, c'est comme ça, puis ça donne une énergie au film, puis moi, ça me plaît, ça me dérange pas au bout du compte. Mais moi, je m'en souvenais de ça, puis c'était une très forte impression que ça m'avait laissé, tu sais, que le film est très chargé visuellement, au niveau sonore aussi, puis... C'est ça, c'est plein de couleurs, plein de sons, puis c'est chaotique, puis mais ça marche, tu sais, il y a une scène à un moment donné, vers la trois quarts du film, plus vers la fin en fait, la scène où ce que t'as un des gars qui va chanter Roxanne de Sting, puis que t'as Ewan McGregor qui est super jaloux parce que Satine est probablement en train de coucher avec le duc. T'as une scène où c'est ça, le duc à ce moment-là essaie de violer Satine. Mm-hmm. Puis t'as un montage des danseurs de tango qu'on voit durant cette scène-là, qui là font toutes des faces de douleur. T'sais, autant Ewan McGregor qui crie, que t'as le chanteur qui chante Roxanne qui fait une face de cri aussi. T'as une fille qui fait une face de douleur. T'as plein de montages comme ça de face en sueur, puis toutes sortes d'affaires. Puis tu montes pas tant que ça la tentative de viol, tu montres plus les faces de gens qui crient puis qui sont en souffrance et qui sont puis que ça marche au bout pour montrer quand même la souffrance de Satine, même si tu la montres pas nécessairement elle dans le détail, tu montres plus les autres dans le fond. Là, vu que tu en parles maintenant, autant y aller tout de suite. Tu parles de la scène du tango avec la chanson de Roxanne, et même si j'aime beaucoup pratiquement tout le soundtrack du film, moi c'est vraiment la scène qui me chamboule, puis la chanson que je trouve la plus écœurante du film. À chaque fois que j'arrive à cette scène-là, j'en ai la chair de poule, parce qu'il y a un montage incroyable pour te transmettre une émotion par tous les personnages, puis tout fonctionne, les acteurs, le chant, et Ewan McGregor à ce moment-là, en chantant cette chanson-là, je ressens sa douleur, puis chaque personnage, comme tu dis, il y a un montage, tu vois tous les visages en douleur, puis c'est vraiment une chanson qui va par progression, ça commence doucement, puis à la fin, c'est vraiment une espèce d'éclat, là, puis la scène est dark, je pense que c'est vraiment la scène la plus dark du film, ça, je pense que ce moment-là, elle a vraiment un côté très mature qui me plaît beaucoup, puis... moi, ça me chamboule beaucoup, cette scène-là. J'aime tellement ça. Ben, là-dessus, on se rejoint parce que c'est ma scène préférée, c'est ma chanson préférée du film. Puis pour tout ce que tu as dit, là, c'est pareil, le montage, la performance, la danse, c'est ce que j'aime le plus. C'est élégant, c'est beau, puis c'est souffrant, puis c'est intense. Ah, vraiment? Puis je voulais revenir aussi sur l'aspect visuel du film. Ça m'a fait penser aussi, ça m'a fait réfléchir un peu qu'à l'époque, en 2001, c'était aussi l'époque où on avait des réalisateurs très visuels qui sortaient. Ça faisait déjà quelques années qu'on avait David Fincher, mais je repense à Fight Club, il y a des scènes où ça fait très longtemps que j'ai vu Fight Club. Je pense que je l'ai juste vu en VHS, je l'ai jamais revu depuis ce temps-là. Mais je me rappelle de Fight Club, à un moment donné, il y a comme une explosion dans un appartement au début, il me semble, puis juste avant l'explosion, on voit la caméra qui se promène à travers les rouages d'une cuisinière, d'un four, ou je ne sais pas trop quoi. Puis c'est ça, la caméra qui est super mobile, qui va partout, la caméra de Baz Luhrmann fait la même chose aussi, sauf qu'elle se promène à travers les bâtiments en CGI de Paris, puis tout ça, puis ça rentre dans le Moulin Rouge, puis ça se promène d'une place à l'autre, à travers les pales du Moulin Rouge, puis tout ça. Ça se promène partout, la caméra, elle va partout. Puis c'est aussi l'époque aussi de Jean-Pierre Jeunet, puis de Amélie Poulain, qui était très visuellement inventif. Il y avait quelque chose au début du 21e siècle, il y a 15 ans, qui était très... les réalisateurs essaient d'inventer un nouveau langage visuel au cinéma, dans le cinéma américain, mais en français aussi, dans Amélie Poulain, mais c'est ça, il y avait quelque chose de... Ça se ressemble un peu, ces trois façons de filmer-là, un peu, je trouve. Non, mais je suis très d'accord, puis même la réalisation pour Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, il est très hystérique, lui aussi, dans sa réalisation. Mm-hmm. Fait que Non, ça se rejoint très bien. Surtout que Moulin Rouge, veux, veux pas, ça se passe à Paris aussi. Et oui, tu parlais justement que c'est un Paris tout en CGI. C'est un film de 2001. Autant ça aurait pu mal vieillir, puis le CGI de l'époque pourrait paraître un peu fake. Sauf que la marque s'est faite parce qu'à chaque fois qu'on nous présente la ville, moi, ça me donne juste l'impression que c'est comme un livre en 3D. Exactement. Que tu trouves une page, puis la page, elle se trouve en 3D un devant toi. Un pop-up book, comme il appelle en anglais. Ouais, un pop-up book. Fait, moi, j'adore ces effets-là parce que je trouve que ça vieillit pas. Tu sais, je trouve qu'on pourrait écouter ce film-là plusieurs années plus tard, puis ça fonctionnerait encore, puis je trouverais pas que le CGI a mal vieilli ou il serait laid. Fait qu'à aucun moment, vraiment, je me disais ça, que ah, ça marche plus, ça a mal vieilli visuellement, ce côté-là. Non, ça marche. Aussi, je suis d'accord, ça a bien vieilli parce que ça a un côté cartoon aussi, un mm-hmm. petit peu. Puis ben c'est drôle parce que t'as vraiment bien choisi les deux films parce qu'il y a plusieurs parallèles à faire. Puis il y a un petit parallèle à faire là, ici dans le pop-up book parce que le générique de fin de The Rooftop, c'est des pop-up books aussi. Oui. Fait que c'est dans le même genre d'esthétique, si on veut. Là. Mais je vais l'expliquer pourquoi j'ai absolument choisi Rooftop. OK. Pour moi, avec Moulin Rouge après. Là. OK. Puis j'adore. Ben tu parles de ça, du CGI. J'adore, moi, quand je vois Harold Zidler joué par Jim Broadbent, que j'adore dans ce film-là. Jim Broadbent est incroyablement bon dans ce film-là, avec sa grosse moustache, sa perruque, tout ça, puis sa face tout le temps rouge, comme s'il était tout le temps en train de manquer de souffle, il est tout le temps en train de se donner à fond. Puis tu sais, à un moment donné, tu le vois qui fait comme revoler dans les airs de Paris comme un ballon qui se dégonfle. Là, il revient dans le Moulin Rouge, fait des pirouettes, puis tout ça. Puis j'adore cette petite passe-là. C'est ridicule, c'est over the top. Puis tu sais, le film Moulin Rouge, ça devrait être sur Wikipédia à côté du mot over the top. Là, ça coûte l'expression over the top. C'est, tu sais, les grandes déclarations d'amour, ça se fait avec la lune qui chante de l'opéra, puis avec des artifices, des feux d'artifice, puis toutes sortes d'affaires. Puis C'est complètement fou comme film. T'sais, pour ceux qui l'ont pas vu, ils peuvent même pas imaginer comment c'est fou. Là, le visuel là-dedans, puis le côté over the top là-dedans, tout est possible dans ce film-là. C'est juste un gros buffet visuel, puis tu sais même plus quoi regarder. Là. Fait que je pense que ma critique, quand je dis que le film est trop simple dans son scénario, ça n'en est pas vraiment une, dans le sens où si le film avait été plus touffu au côté scénario, ça aurait été trop. Ça aurait été vraiment trop parce qu'il y a... Mm-hmm. Déjà, au niveau visuel, c'est trop chargé. C'est comme un gros, gros dessert là, qui est vraiment trop lourd. Là, qui un dessert de genre 4000 calories. Là, t'sais. Ça te prend quelque chose de plus léger un peu au niveau du scénario parce que t'as pas besoin de plus que ça. Là, t'sais. C'est vraiment trop chargé comme film. Mais en même temps, ça marche. C'est spécial. C'est un drôle de mélange. Mais ça fonctionne. Puis 15 ans plus tard, ça marche encore. Puis, veux pas, même si l'histoire est simple, tu finis par embarquer pareil. Puis, comme on disait, les acteurs sont tellement bons que tu te prends au jeu, là, ouais, automatiquement. Puis, tout le monde est bon là-dedans. Tu sais, on parle évidemment du couple amoureux qui forme une chimie parfaite. Mais je veux dire, moi, j'aime beaucoup John Leguizamo là-dedans, qui joue une espèce de nain. Puis, Toulouse-Lautrec, c'est un peintre de l'époque qui était nain. Fait que, tu sais, il joue une vraie personne. Puis, ok, ça, je l'ignorais. Ouais. Puis c'est quoi, l'autre justement qui chante la toune de Roxanne, puis qu'il souffre de problèmes, qui s'endort tout le temps à des moments. Puis à un moment donné, il fait juste suivre Ewan McGregor des escaliers, puis il commence à y parler, puis à un moment donné, tu le vois juste tomber des vapes, puis il déboule les escaliers. Puis j'aime beaucoup celui qui fait le duc, je le connais pas, il s'appelle Richard Roxburgh, je pense, puis... c'est ça, je le connais pas vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre par après, mais... Sa face me dit de quoi à chaque fois? Qu'est-ce que je mais c'est pas un acteur que je connais, mais... Il est bon, puis juste la manière qu'il... Sa petite voix, là, puis quand il se met à chanter, il essaie de faire la toune de d'Elton John, puis... voyons. Ah, c'est quoi, comment ça commence déjà? It's a little bit funny, this feeling inside. Il essaie de chanter, puis... yeah, puis, like a virgin. T'sais, une petite voix de chambranlante. C'est drôle parce qu'à chaque fois que tous les personnages sont autour de lui qui chantent, ils prennent tout le temps dessus, puis lui, il est juste là, puis il est capable de rien faire, puis il se fait voir tout le monde. Mais dès que ses problèmes de jalousie intense font dessus, le personnage devient full expressif, full une voix vraiment agressive qui balaye tout ce qui est alentour. C'est les moments où, dans le fond, le personnage sort un peu de sa coquille timide puis renfermé au max. Là. Oui. Ton renseignement, il a joué dans Mission Impossible 2. Il a joué dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oh my god, je viens de le replacer dans Mission Impossible 2, mais il est méconnaissable. Il a joué dans Van Helsing, celui qui fait Dracula, en 2004. Ah, là-dessus, je l'aime pas par contre. J'ai pas aimé le Dracula dans Van Helsing. Fait que ça y a fait plusieurs films quand même à l'époque. Et il Ok. continue encore. Mais non, il est vraiment, vraiment bon, ce gars-là. Puis on devrait le voir plus. Puis non, c'est dans ce rôle-là, il est parfait. Il est détestable. Il est détestable facilement. Puis tu sais, au début, quand je revoyais le film aujourd'hui, je me disais, ouf, ta première moitié du film, je me disais, il me semble que ça aurait pris un méchant plus fort que ça. Mais finalement, rendu à la fin, je suis comme, non, non, non, non, c'est parfait. Like a virgin. Puis j'adore. J'adore le bout de quand Ewan McGregor et Nicole Kidman vont chanter leur propre tune, qui est une composition originale qui s'appelle Come What May. Puis il y a comme une petite scène un peu fantaisiste, c'est pas vraiment la réalité, mais on les voit chanter, on les voit se promener dans un genre de parc. Puis lui, il est là à côté des autres, puis oh, regardez, une grenouille! Puis il court après la grenouille. Puis c'est comme pour montrer son côté vraiment ridicule, là, tu sais. Puis essaye juste de l'écraser, Ouais, là. c'est ça. Ah, mais il y a tellement des. Ah, c'est ça, c'est tellement un film le fun. Qu'est-ce que tu penses du fait des voix de chanteurs, des voix en chanson d'Ewan McGregor puis Nicole Kidman? Tu sais, souvent, c'est pas tous les acteurs, je crois, qui peuvent facilement chanter. Je sais qu'ils ont de l'aide, ces choses-là. Je me rappelle que Johnny Depp détestait sa voix dans Sweeney Todd. Je sais pas qu'est-ce que Nicole Kidman et Ewan McGregor pensent de leur performance vocale, mais moi, je trouve. Ben, j'y vois avec mes souvenirs, là. Je me rappelle que quand j'avais découvert le film, puis je regardais des bonus sur le DVD à l'époque, puis je les ai pas revus depuis ce temps-là, mais je me rappelle très très bien de Nicole Kidman qui parlait de Ewan McGregor, puis elle disait, c'est une vraie rockstar, elle disait en studio, puis tout, puis elle dit, il chante tellement bien, puis tout, puis elle l'adulait, puis elle arrêtait pas de dire de le couvrir de compliments, puis tout. Puis elle, ben, c'est pas une grande, grande chanteuse, mais elle fait très bien sa job, je trouve. Tandis qu'Ewan McGregor, tu sais, il a une bonne voix, il pousse sa voix, puis il atteint des notes que je suis pas capable. Tu sais, j'essaierais de les atteindre, je suis vraiment pas capable. Mais Ben, dès la première fois qu'il chante, la première phrase qu'il va chanter, déjà il pousse la note, la puis déjà tune de comme pour Sound nous. of Music, oui, c'est ça. Ouais. Pour tout de suite nous mettre dans le même puis nous montrer comme gars, je suis capable. Là. Mais en même temps, tu sais, je dis pas que c'est une grande, grande voix. C'est pas Freddie Mercury non plus, c'est pas. Ben non, ben c'est pas non plus sa job principale, c'est pas un Non. chanteur pour de vrai vraiment dans la vraie vie. Là. Je veux dire, c'est Mais un acteur. il aurait pu en faire plus. J'aurais aimé ça qu'il fasse d'autres films musicaux. J'aurais peut-être aimé ça qu'il fasse un album. Parce que j'écoute encore la soundtrack régulièrement, puis j'aime ses chansons. Puis je trouve que ça se marie bien avec elle. Puis Ah, les deux voix ensemble, à chaque fois qu'ils chantent, je trouve que ça. Ils sont cute. Ils sont vraiment cute, là. Puis il y a vraiment une belle sélection de chansons, puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, sur la soundtrack, tu trouves voyons, Rufus Wainwright, tu trouves toutes sortes de monde, comme tu as dit tantôt, Christina Aguilera, puis Pink, et puis tout c'est C'est vraiment. super varié, puis moi je trouve que c'est ça qui est important dans un film, en tout cas pour moi, dans un film musical, j'aime ça que mes chansons soient variées, qui se ressemblent pas, puis que t'en aies qui soient plus tranquilles, d'autres qui soient plus rock, plus mouvementées, puis tu sais, dans Moulin Rouge, t'as une panoplie de chansons, puis de toutes sortes de genres qui devraient plaire à toutes sortes de gens, tu sais, il y a tout pour plaire au niveau musical dans Moulin Rouge. Oui. Je me rappelle aussi d'un bonus, il disait, puis encore là, c'est dans mes vieux souvenirs, mais je me rappelle des gens de la production qui montraient un tableau, puis au tableau, il y avait mis tous les titres de chansons qu'ils pouvaient penser qui contenaient le mot love dedans. Puis après ça, ils ont fait des choix, là, tu OK. Parce qu'il y avait vraiment, tu sais, ils pouvaient prendre n'importe quoi, là. Après ça, c'est une question de droit, là, de qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter ou pas, mais ils sont vraiment donnés. Ils sont tellement. Avec leurs chansons préférées, là. Puis moi, j'adore le medley sur l'éléphant, là. Moi, j'adore ça. Je pense que ça va être la chanson que je vais mettre après notre Ouais, segment. ben t'as tellement plein de chansons là-dedans, t'as des Ouais, c'est mélanges ça. là. Puis non, je veux dire. Ben, c'est ça, oui. Puis je pensais que t'allais dire, j'ai tellement le choix des chansons, si c'est la soundtrack, je pourrais mettre toute la soundtrack au complet. Puis. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que moi, je t'aurais dit automatiquement, mais la toune du tango est trop bonne, mais. Ouais, la chanson du. Je pense que la chanson du medley sur l'éléphant serait peut-être plus appropriée, parce que je trouve que le tango, même en dehors du film, Du est contexte. super bonne, mais je crois qu'avec les images, ça a le plus d'impact encore, là. Ouais, je suis d'accord. Fait que je préfère autant que les gens le voient avec la scène qui est vraiment écœurante. Là. Oui. Sinon, quel autre aspect qu'on n'a pas parlé? Ben, les décors, c'est super coloré, c'est vraiment écœurant. Même le show qu'ils font, dans le fond, la pièce de théâtre qu'ils vont faire, c'est comme ça se passe en Inde. Oui. Puis le décor, à la fin, lorsque tu le vois, c'est tellement coloré, il y a tellement d'affaires que c'est comme une overdose visuelle. Puis c'est drôle, ils ont vraiment été jusqu'à utiliser une toune chantée en hindou durant la... Oui. Durant la première pièce, puis j'étais comme écrit, mais on se croirait quasiment dans un film Bollywood pendant un instant. Mais j'aime beaucoup les maquillages, moi. J'aime beaucoup le maquillage de Jim Broadbent, puis le maquillage de John Leguizamo en genre de clown, un peu dark. J'adore ça, tu sais. Petit clin d'œil pour Spawn? Non, je pense pas. Là, mais... peut-être. Ça faisait pas longtemps, tu sais. Ça faisait 4-5 ans, mais... Spawn, c'est pas une bonne adaptation, mais John Leguizamo est tellement bon là-dedans. Oui. En clown, il l'a parfaitement, là. Mais non, tu sais, on voit des gros plans manés de le visage, puis sérieusement, là, j'adore le maquillage, puis... Mais c'est ça, toute la direction artistique du film, tu sais, tout est beau là-dedans, tu sais. C'est pas étonnant qu'il ait gagné. Je pense que dans deux Oscars, il a gagné justement meilleur costume, puis meilleure direction de décor pour les Oscars. Meilleure direction artistique, meilleure création de costume, ouais. T'sais, c'est pas étonnant que le film ait gagné pour ça. Là. Il a tellement mis de l'emphase là-dessus, puis c'est tellement réussi que pratiquement aucun reproche qu'on peut faire. Là. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Je sais plus quoi dire. Ben, moi non plus. Je pense qu'on a fait le tour, mais en même temps. Ben, comme tu dis, l'histoire est simple. Je pense que c'est vraiment plus d'un point de vue technique qu'on peut tellement en parler, mais j'ai rien vraiment de négatif à dire sur le film. À part, comme on dit, la simplicité puis la naïveté de l'histoire d'amour, mais en même temps, ça n'est pas. Finalement, c'est pas un défaut, puis ça évolue au courant du film. Fait. Ben, c'est ça, je me sens moins appelé par ça, je me sens moins impliqué par ça depuis avec les années. Je regarde plus ça de l'extérieur, je vois ça comme quelque chose de cute. C'est un film pour les jeunes amoureux ou les jeunes qui rêvent d'être amoureux, qui idéalisent l'amour, puis c'est bien parfait. Je juge pas ça, on a tout passé par là. Ça va vous donner envie de trouver l'âme sœur. C'est ça, exactement, tu sais. Puis moi, je me rappelle que quand je l'ai trouvé en DVD, je l'ai acheté immédiatement sans même y réfléchir. C'est drôle parce que aujourd'hui, c'était la première fois que je regardais mon film en DVD. Parce que quand tantôt je parlais que j'avais déjà vu les bonus en DVD, c'était une location à l'époque. Il y avait peut-être 5-6 ans, je l'ai pogné en DVD, en usagé. Puis je l'ai acheté, puis je ne l'ai jamais réécouté parce que j'étais encore dans mon questionnement. Est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que je vais encore aimer ça? Puis tout. Puis j'ai juste pas pris le temps de l'écouter. Puis aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon DVD jouait mal. Fait que, il y a une petite scène que juste. Genre la fin de la chanson Like a Virgin, puis peut-être les 2-3 minutes qui ont suivi, je les ai manquées parce que le DVD est vraiment trop magané à ce moment à ce bout-là. Okay. Mais sinon, ça joue bien, là, c'est correct. Mais. C'est ça, c'était la première fois que j'ai regardé mon DVD, c'était drôle. Mais non, c'est ça. C'est un film que je recommande fortement parce que je trouve que c'est un film important du cinéma américain des années 2000. Ça a apporté une nouvelle vague. Ça a ouvert le 21e siècle de manière très, très colorée, très effervescente, très, très folle. Comme tu dis, ça a apporté une nouvelle vague avec Chicago, puis ensuite il y en a eu d'autres. Puis, ben c'est ça. C'est peut-être le film le plus important de Baz Luhrmann. Quoique, j'ai pas encore vu The Great Gatsby, puis j'ai pas vu Australia non plus, mais je crois que Moulin Rouge demeure encore pas mal son plus important. Australia, je l'ai vu, j'ai pas super apprécié. Par contre, Gatsby, je l'ai acheté, il traîne sur ma bibliothèque, mais il a l'air d'être revenu plus au style qu'il avait fait justement avec Moulin Rouge puis les autres, un côté visuel puis décor, costume très chargé avec un soundtrack très travaillé. La soundtrack est très intéressante de Gatsby, je l'avais écouté à l'époque. Puis, OK. Mais en fait, j'attendais, avant de voir celui-là, je voulais voir le film de 76 avec Robert Redford. Oui, l'original. Puis il y a eu d'autres adaptations aussi avant. C'est un roman des années 20, je pense, de Gatsby. Fait que... Mais non, c'est ça, je ne l'ai pas vu. Puis, Roméo et Juliette aussi, c'est vraiment fort. Puis j'aimerais ça un jour voir Strictly Ballroom, je ne l'ai jamais vu. Fait que... Jamais vu non plus, fait que je serais intéressé c'est à voir. C'est pas une longue filmographie, mais je ne suis pas super... Je pense pas qu'il ait fait vraiment de mauvaises affaires. Peut-être Australia, comme tu dis, qui est pas... Ben, ça, c'est juste que le film porte pas vraiment sa patte. Tu viens de dire que c'est lui qui a réalisé Australia, puis j'avais complètement oublié que c'était lui, puisque ça paraît pas vraiment quand tu vois le film. Là. OK. Mais c'est ça, je pense que Moulin Rouge, c'est vraiment pilier majeur là, de la filmographie moderne américaine. Ça reste quelque chose qu'il faut voir. Même si on n'aime pas les films musicaux, je pense qu'il y a quelque chose là pour n'importe qui, pour tout le monde. Juste au plan visuel, puis le montage, puis la frénésie de tout ça, là, c'est malade. Puis il y a quelques personnes, des fois, que je connaissais qui n'aimaient pas les films musicaux pantoute, puis Moulin Rouge, c'est un des seuls qu'ils appréciaient. Fait que, c'est juste pour vous montrer à quel point que c'est suffisamment varié pour peut-être ça venir vous chercher. Là. Non, comme toi, moi je le recommande. Je l'ai revu avec beaucoup de plaisir, puis ça m'a juste donné envie d'acheter finalement la soundtrack parce que là j'ai les chansons en tête, là, puis j'aurais juste envie de les écouter en voiture lorsque je vais me taper la run pour aller à Montréal, Fantasia. Là. Ouais, ça serait cool. Puis je pense qu'il y avait un deuxième CD. Moi j'ai juste le premier, mais je pense qu'il y avait un deuxième genre More Music from Moulin Rouge, puis là t'avais des autres chansons qui n'étaient pas incluses dans le premier CD. Genre Like a Virgin n'est pas sur mon CD. Puis j'étais très content aussi de redécouvrir la scène aussi où ce que m'en est vers le début du film où ce que toute la gang sont devant le duc dans la chambre de Satine, puis ils font une présentation de la pièce de théâtre de quoi ça va avoir l'air leur spectacle qui va s'appeler Spectacular, oui. Spectacular, puis ils font ça avec la chanson du même titre, puis j'avais oublié cette chanson là mais j'adore ce numéro là c'est tellement slapstick, c'est tellement drôle, c'est complètement fou. Puis Nicole Kidman est tellement drôle dans cette scène là puis même dans la scène qui vient avant, la scène de séduction avec elle, elle est déchaînée là. Tout ça là, ces 5-10 minutes là avec elle, même peut-être plus, 15 minutes, c'est tellement fou là. assez plate. Oui. Tu vois tous les acteurs, c'est plate, tout le monde s'implique à fond, fait tu sais, oublie ça, tu peux pas embarquer là. Exactement, tu sais, fait que c'est ça. Il y avait une autre soundtrack. Il me semble que, si je dis ça de souvenir, mais il me semble qu'il y en avait un autre. Mais tu sais, c'est le genre de film qu'il y a tellement trop de chansons qu'un soundtrack ne suffit pas. Je me rappelle, j'arrêtais pas d'écouter souvent le film Le Chanteur de Noces avec Adam Sandler. Puis j'aimais tellement toutes les chansons qui jouent dans le film parce qu'évidemment, c'est toutes des tunes des années 80 vu que ça se passe dans ces années-là. Puis lorsque j'avais acheté le soundtrack pour une chanson, elle était pas là. Puis j'ai comme vu c'était soundtrack volume 1. Puis il y avait sorti deux soundtracks. Puis là, je suis comme, ah, je suis obligé d'acheter deux soundtracks pour avoir la tune que je veux parce qu'ils ont trop de chansons. Ouais, c'est arrivé souvent, ça. Yeah. Ouais. Fait qu'on a fait le tour? Oui. Bon, ben, on va se laisser sur... Je dis tout le temps ça. Laquelle, je me reprends parce que, tu sais, en tout cas, comme si je pensais que le monde ne le savait pas. On va aller écouter la chanson qui s'appelle Elephant Love Medley. Et on revient tout de suite avec notre discussion sur The Rooftop. Love is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All What? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. No. Some people want to fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools, throw our lives away for one. Happy day. We could be heroes just for one day. You will be me. No, I won't. And I time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, we could still time just for one. Eh bien, nous revoilà pour notre deuxième section du podcast, Nanar Navet, et aujourd'hui, on y va avec The Rooftop de Jay Chou. Il y a plusieurs façons de prononcer. Moi et Jeff, on a regardé ça en dehors du podcast, puis Jay Chou, Jay Chou, Jay Cha, fait qu'on on va y aller en québécois, Jay Chou. Ça va bien là-dedans. C'est un film de 2013. C'est réalisé par Jay Chou, comme je disais. Scénarisé par Jay Chou. Et c'est joué avec Jay Chou. Et toutes sortes d'acteurs asiatiques quand même connus. Je ne vais pas tous les nommer parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît. Mais je vais y aller avec un des plus connus qui est Eric Tsang. Sinon, pour le reste, même moi, je ne connais peut-être pas plus ce qu'il faut. Là, mais il y a quand même un casting intéressant. Et c'est un film qui se déroule dans les années 50. On va suivre deux communautés. Il y en a une qui vit sur le toit, d'où le titre « Rooftop ». Et ce sont des gens pauvres, mais qui ont une passion de vivre, qui s'amusent tout le temps à chanter, danser, qui voient la vie d'une très belle façon. Et on a les gens en dessous qui sont les gens qui sont beaucoup moins heureux, mais beaucoup plus riches et puissants. Et on va suivre un des chefs de la gang qui est joué par Jay Chou, qui s'appelle Bo, si je ne me trompe pas. Dans la version que j'ai écoutée, c'est Wax. Wax? Oui. Avec des sous-titres en anglais sur Netflix, c'est Wax. OK. Moi, ça disait Gao. OK. Bizarre. En tout cas, je vais y aller avec Gao d'abord. Wax. Toi, tu diras Wax, moi, je vais dire Gao. Parfait. Okay. On va suivre Gao et sa gang de jeunes amis. Arpenter les rues puis essayer d'aller récolter de l'argent de d'autres marchands, mais c'est difficile d'avoir l'air aussi sérieux avec une bande de copains aussi loufoques. Et une bonne journée, ben Gao va tomber sur un plateau de tournage et rencontrer une jolie demoiselle qui s'appelle, là j'ai un blanc de mémoire, je pense que c'est Jasmine, c'est bien ça? Non, Jasmine, elle est sur le rooftop, c'est la genre qui fait la cuisine tout le temps, qui travaille sur les patates douces puis tout ça. Là. Ok, oui, c'est vrai. Mon Dieu, j'ai complètement oublié le nom. Là, j'ai peur qu'on soit pas avec les mêmes noms, pas en tout, parce que c'est quoi ta version? C'est une version sur Blu-ray ou quoi? Ouais, sur Blu-ray que j'avais acheté, mais c'est... Okay. T'es supposé avoir la même sur Netflix? Ben, c'est pas les mêmes sous-titres, parce que, ben, en tout cas, la fille, elle s'appelle Starling. Ok, non, c'est pas ça. Puis c'est les noms que j'ai sur Wikipédia aussi en ce moment, la page en anglais sur Wikipédia. Donc la fille qu'il rencontre, c'est Starling? J'ai Wax, j'ai Tempura, j'ai Starling, c'est tous les mêmes noms que j'ai vus, moi, sur Netflix. Ah oh non, t'as raison, c'est Wax. Mais pourquoi ça dit Gao? En tout cas, on va arrêter de le mélanger. Il y a Wax qui va rencontrer Starlin sur un plateau de tournage et c'est là qu'il va tomber amoureux immédiatement d'elle. Mais par contre, elle, sur le plateau, il y a un autre homme qui est amoureux d'elle et qui, son père, voudrait qu'ils sortent ensemble pour avoir du financement, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de liens par rapport à Moulin Rouge, justement. Fait qu'on va suivre ce triangle amoureux et cette joyeuse bande de copains à travers des danses et des chansons farfelues et un visuel très coloré. Fait que d'habitude, on met un extrait du film, mais ce film-là est en taïwanais, en mandarin, en fait. Puis on trouve pas d'extrait autrement qu'en mandarin, puis ça donnerait pas grand-chose d'en mettre un. J'en trouve pas en français, évidemment, et j'en ai même pas trouvé en doublage, doublé en anglais. Non, il n'y a pas pantoute et dédié. On va passer par-dessus l'extrait et on va tout de suite commencer la discussion. Parfait. Mais c'est ça. T'es sûr que ça se passe dans les années 50? Parce qu'il y en a qui portent des costumes des 70, puis il y en a qui parlent de Woodstock aussi. Le film, en tout cas l'ambiance, puis tout, laisse te croire que t'es dans les années 50, puis surtout que le début du film semble commencer dans un temps moderne, puis on en revient dans le temps. Pis... Enfin, c'est ambigu, je te dirais. Parce que moi aussi, j'aurais vraiment mis ça dans les années 70, parce que justement, t'as le personnage avec les cheveux frisés, que moi, dans ma version, s'appelle A-Lang, qui parle de ses vêtements, qui dit « c'est mon costume de Woodstock ». Puis il y a une scène, il y a des scènes aussi qui se passent dans un bar, un genre de discothèque, puis les gens dansent, puis c'est très, très, très Saturday Night Fever. Là, les cheveux, c'est très Boogie Nights, là. Mais je sais pas, par moment, c'est vrai, t'as raison, puis par d'autres moments, je sais pas, il y a des aspects qui fait plus années 50, justement. Ben, le style à Wax, oui, le style à Jay Show avec ses cheveux, puis sa manière de passer son peigne dans ses cheveux, plein de cire, tu sais. Mais les voitures aussi, par moment, j'ai pas l'impression que c'est des voitures des années 70. Fait que Mais c'est un endroit fantaisiste en plus, ça existe pas. Cet endroit-là s'appelle Galilée, puis ça existe pas, là. Mm-hmm. Puis tout le fait de vivre sur les toits, puis tout, ça existe pas non plus. Mais non, c'est cool. Mais vas-y. OK. Bon, je vais commencer par dire pourquoi j'ai choisi The Rooftop et mon histoire avec Rooftop. Je l'ai découvert au Fantasia l'année passée. Et c'est pas un film que j'étais supposé aller voir. C'est comme je le mentionne, c'est un bouche-trou. À chaque année au Fantasia, j'aime ça me remplir une journée. Des fois, ça me tente pas de me taper la run pour aller voir deux films. Alors que je pourrais en voir plusieurs, même si je sais pas c'est quoi, puis ça me tente pas d'être dehors puis à tourner en rond le temps que mon film commence. Fait que je vais acheter des billets, puis je me dis, oh, je vais prendre ça en attendant, je vais avoir des meilleures places pour mon film d'après. Et c'est ce qui est arrivé avec The Rooftop. J'ai acheté des billets de dernière minute, puis je me suis dit, tiens, on va aller voir ça. Des fois, c'est une bonne façon de tomber sur des surprises ou des films plus ou moins mauvais. Mais la plupart du temps, je suis agréablement surpris. Puis cette année, j'ai encore fait le coup. Je me suis pris une couple de films que j'ai absolument aucune idée qu'est-ce que je vais avoir. Fait que je me laisse la surprise. Et lorsque j'ai commencé le film, plus j'écoutais le film, plus il avançait, plus ça me faisait penser à Moulin Rouge. Puis tout le long du film, il y a plein de points qui me rappelaient Moulin Rouge. Puis je me suis dit, crime, à un moment donné, ça serait le fun. D'en parler puis de faire de quoi qui aurait un lien avec Moulin Rouge. J'ai déjà voulu faire un épisode ou faire de quoi par rapport à ça. Puis j'étais même pas dans le bras de faire des films encore à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que là, tu m'avais parlé, soit tu m'avais parlé ou soit que moi j'avais vu sur Netflix qu'il était présent. Puis j'ai comme fait, ah oui, c'est le moment, je pense. Non seulement c'est un film asiatique que je peux faire découvrir à JF qui est musical, mais en plus ça donnerait l'occasion de faire mon épisode avec Moulin Rouge. Et. En gros, c'est juste ça. Rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment un film que j'ai découvert par surprise. Et je sais pas si tu voulais que j'aille tout de suite avec une opinion ou ben toi. Oui. Tu voulais dire... Moi, j'ai été tout de suite avec mon opinion de Moulin Rouge, avec vas-y avec ça. Là. OK, parfait. Moi, honnêtement, là, je vais parler du film. On enlève les 20 dernières minutes. Moi, je parle juste de tout ce qui se passe avant. Tout ce film-là, avant les 20 dernières minutes, c'est le film le plus fun que j'ai vu au Fantasia. Ce film-là me donnait un sourire immense. Je l'ai vu avec Sylvain puis Chantal. On avait tout le gré. Le film dégage une joie. Je sais pas d'où qu'elle sort, mais elle dégage juste une joie qui a contagié toute la salle. Et tout le long, j'avais juste du fun. C'est un film où que c'est un monde, comme tu dis, très fantaisiste. La ville n'existe pas. Mais tout est naïf, mais naïf le fun, tu sais. T'embarques dans le jeu, c'est tellement inoffensif, mais c'est tellement le fun, c'est coloré. T'as des chorégraphies puis des chansons tellement joyeuse. T'as des personnages full farfelus. Toute la troupe d'amis qui traînent avec Wax, puis qui ont tous des noms d'aliments. T'en as un, c'est brocoli, l'autre, c'est tempura. Sont toutes le fun. Le fait que ça se passe des années 70 avec une petite touche années 50, en tout cas, que je trouve par moment. Je sais pas, j'adore. Le film a vraiment un beau visuel. Puis j'écoutais le film, puis je me disais, tabarouette, je suis vraiment en train de me dire que je pense que c'est un des films que j'ai eu le fun du Fantasia. Puis ça passait même par-dessus des gros films que je m'attendais à aimer plus. Puis finalement, j'ai même plus apprécié Rooftop. Puis c'est pas mal l'image que je gardais de ce film-là. Je vais pas tout de suite parler des 20 dernières minutes qui m'ont un peu fait changer d'idée sur certains aspects. Mais globalement, moi, c'est vraiment la plus grosse impression que le film me faisait au fur et à mesure qu'il avançait durant la première heure et demie. Du gros fun, juste ça, là, un gros sourire aux lèvres. Là. Cool. Moi, j'avais... Premièrement, je connaissais pas tant Jay Shou que ça. J'ai vu dans The Green Hornet, mais c'est toi qui m'a annoncé que c'était lui, parce que je m'en rappelais pas que c'était lui. Puis c'est ça, je l'ai vu à l'époque. Puis, toi, tu pensais que c'était le chinois d'Ara de Gaumont qui jouait le... Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Là. Mais non, c'est ça, j'ai vu Jay Shou, j'ai pas vu ses films. Je sais qu'il a fait un ou deux autres films avant, je pense. C'est avant tout une très grosse star pop là-bas. Il a vendu comme, je pense, 30 millions de cucks d'albums, puis sa carrière est vraiment internationale. Tu sais, c'est vraiment, comme Chantal disait, c'est comme le Justin Timberlake asiatique. Là. OK. Puis c'est lui qui a composé la musique aussi de Rooftop, je l'ai mentionné, tu l'avais pas mentionné, c'est lui qui a composé. Ah oui, c'est vrai. Sur Wikipédia. Puis c'est ça, ben, j'étais attiré par la pochette, par l'image sur Netflix, puis j'étais vraiment intrigué, puis... j'ai pas hésité à le regarder tout de suite. C'est le premier film, comme je disais, entre les deux, dans cet épisode-là, que j'ai regardé. C'est celui que j'ai vu en premier. Puis c'est ça, je l'ai regardé il y a 3-4 jours. En fait, c'était un samedi. Puis j'avais été courir le matin. J'ai genre couru 10 km. Là. J'étais super fatigué l'après-midi quand je l'ai commencé. C'était genre 1 heure ou 2 heures l'après-midi. Puis là, mon corps était vraiment là, en train de tout se mettre à off. Là, puis c'était le temps de me coucher. Mais je me suis dit, on va commencer pareil. Puis là, j'en écoute 1 heure. Puis je trouve ça le fun. Puis là, je t'ai écrit un moment donné, je suis comme, ouais, pas sûr que je vais le finir, là. Ça serait temps que j'aille me coucher parce que je m'endors vraiment trop. Puis là, je pars pour aller vers ma chambre pour aller me coucher. Puis j'ai fait, ah, mais ça me tente pas, je veux continuer. Fait que je l'ai continué de peine et de misère, mais je l'ai continué. Après ça, j'ai été me coucher, mais je voulais absolument le finir. Puis une des rares choses que j'ai faites depuis qu'on a commencé le podcast, depuis qu'on a commencé il y a 1 an et demi, puis surtout par rapport au Naven Anar, je l'ai réécouté aujourd'hui. Je l'ai vu 2 fois, et si je me retenais pas, je retournerais le voir tout de suite. Là. Ça, c'est chiant, parce que c'est pas correct pour Swan Country qui a pas eu la chance de se faire voir 2 fois. Swan Country, non. En fait, je l'ai vu 2 fois, je l'avais déjà vu avant que tu le regardes. Ah oui, c'est vrai! Toi, tu l'as vu 2 fois, mon... Mais non, si je m'écoutais, là, j'irais le voir tout de suite. Puis tout de suite après l'avoir vu samedi, j'ai me suis procuré la bande-annonce. Puis pas la bande-annonce, la trame sonore, puis elle est sur mon téléphone, puis j'écoute les chansons depuis ce temps-là. Je suis content! C'est un film incroyablement le fun. Exactement comme toi, enlève les 20 minutes de la fin parce qu'elles n'ont aucun rapport avec le reste du film. Et pourtant, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas le même film. Non, c'est parce que... C'est moi, vraiment, j'écoutais ce film-là, puis c'est comme... Ce film-là, il n'y a rien de dramatique, rien de négatif. Ce n'est que de la joie. Et les 20 dernières minutes... Tu sais, avant les 20 dernières minutes, on a la fameuse scène typique, parce que l'histoire d'amour est structurée comme la plupart des histoires d'amour qu'on voit. On va avoir un moment où on va croire que les deux personnes vont se séparer et qu'ils sont plus ensemble, puis là, on va avoir un moment dramatique, puis là, on se dit, à la fin, il va aller courir pour aller la rechercher. Et c'est ce qui arrive. C'est juste que le film... fait un virage à 180 degrés et devient un film super dark, super violent. Il y a des meurtres. Des meurtres. On n'est pas loin d'une scène de viol complète qui est vraiment malaisante. Moi, j'étais dans la salle. Même la face à Sylvain était mémorable. Elle me ressentait. Je suis comme, c'est-tu le même film? Là? Parce que là, je comprends pas qu'est-ce que le réalisateur il a pensé en faisant ça. Puis moi, vraiment, les 20 dernières minutes, gâche, ils ont enlevé mon sourire. Puis j'étais comme... non, c'est pas de même que ton film aurait dû continuer et finir. Et c'est dommage parce que ça, ça enlève rien au restant du film, puis à mon opinion globale, puis tout ce qu'on va dire par la suite. Mais s'il aurait fallu que les 20 dernières minutes du film soient comme le restant du film, c'était pas un film parfait, mais je le pense dans un sens, un film parfait pour avoir du fun puis de la joie, là, vraiment. Là, j'avais rien à enlever à ce film-là. Tantôt, on reviendra vers la fin de notre discussion sur la finale du film. On fera une section spoilers parce qu'il y a quelque chose qui me gosse avec la fin. Okay. Mais moi, là, je veux aller vivre sur ce toit-là. Ah, c'est tellement dès, fun. Dès qu'ils prennent l'ascenseur puis qu'ils arrivent en haut, là, à chaque fois qu'on les voit monter sur le rooftop, là, moi, je veux vivre là. Je veux aller manger leur bouffe. Ça a tout le temps l'air bon. Je veux aller là puis m'amuser avec eux autres, puis chanter puis danser avec eux autres. Puis, c'est une grande famille. Là. Jasmine, justement, elle dit que c'est une famille. Puis, c'est tellement attachant, tellement beau, tellement coloré, tellement le fun. Je veux aller vivre là. Tout le monde est sympathique. J'aime leur mode de vie simple, puis besoin de rien. Tu sais, moi, je suis tellement accro à la télévision, puis l'internet, tout ça. Je pense que vivre là, j'en aurais peut-être pas besoin de tant que ça. OK, peut-être des films de temps en temps, je peux pas m'en passer. Non, il y a une ligne aussi dans une des chansons, en tout cas, dans la version que j'ai écoutée sur Netflix, il y a une ligne qui dit justement, on n'a pas besoin de films, parce que ici, on vit déjà toutes les aventures qu'on a à vivre, tu sais. Ouais, exactement. Puis j'aime tellement qu'ils ont toutes leurs chambres sur leur toit, puis ils ont une espèce de gros tuyau qui passe à travers partout, puis c'est comme leur moyen de discuter, puis tout le monde peut s'intégrer. Selon le nombre de coups qu'ils donnent, c'est ça qui indique à qui ils appellent, mais ils se trompent tout le temps. T'sais. Fait que c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui répond, mais j'aime ça, puis c'est tellement le fun, c'est tellement une autre place. Dès que tu arrives sur leur toit, ça me fait penser au Moulin Rouge, parce que c'est un décor très... Comme je disais, pour décrire le Paris de Moulin Rouge, on dirait un livre qui s'ouvre avec un effet 3D, puis le film utilise la même technique. Il y a un peu de CGI, puis un peu d'effets de décor de style carton, si on veut, puis ça fait vraiment très fantaisiste, puis c'est ce qu'ils essaient de donner au film aussi. Puis comme dans Moulin Rouge, t'as une grosse structure. Dans Moulin Rouge, t'avais l'éléphant géant. Dans celui-là, t'as un gros gramophone géant sur lequel Jay Shaw puis éventuellement la fille Starling vont aller s'asseoir pour leur petit moment romantique, tu sais. Puis ce gros gramophone-là, t'as quelqu'un qui est dans le côté, qui fait aller la manivelle, puis qui fait jouer des chansons à chaque soir. Des chansons romantiques ou des chansons selon le mood qu'ils veulent, qu'ils veulent mettre, là, tu sais. Puis ça donne l'ambiance à la place. C'est tellement beau. La manière que c'est éclairé, que les petits lampions, puis n'importe quoi, puis tout, c'est tellement beau, toute la place. Puis toutes les personnes qui vivent là sont tellement le fun. Toute leur chimie qu'ils ont entre eux, leur manière de s'agacer. Tout le monde est tellement heureux de vivre. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que toute leur petite demeure est éclairée aussi devant une grosse pancarte de publicité qui c'est la fille, dans le fond, que Jisoo va tomber amoureux. Puis à chaque fois qu'il monte l'ascenseur où tout le monde le regarde, c'est comme sister-in-law, puis ils sont tous en train de la saluer, puis c'est comme déjà une déesse ou une genre de dieu, là, puis je trouvais ça drôle. Là. Comme si c'était déjà sa blonde, dans le fond, là, t'sais, puis elle faisait déjà partie de la famille. Puis c'est ça qui explique, à un moment donné, quand il l'amène sur place, il dit, dans le fond, nous autres, on te connaît déjà, mais toi, tu ne le connais pas, mais toi, tu fais déjà partie de la famille sans vraiment en faire partie, tu sais, mais... Ouais. Puis, ce que j'aime du film, c'est que le film s'ouvre sur un premier plan où on voit une fille dans une genre de truc d'œuvre, une galerie d'art, oui. Puis elle regarde une photo, puis là, elle semble très nostalgique, puis c'est une photo de Jisoo. Puis là, après ça, le film va embarquer. Puis au moment que le film embarque, t'embarques dessus dans une scène de bowling. Là, c'est là que tu rencontres tous les personnages. Là, tu vois Jisoo avec sa peignure très, très old school. Puis là, il sort les couteaux que tu payes sur un piton, puis le couteau sort de côté. Mais là, c'est un ping. J'en avais même moi un déjà vu. Puis déjà, en partant, j'étais comme, OK, ouais, j'aime l'époque, j'aime la reconstitution qu'ils ont faite, j'aime l'allure, le visuel, la photographie. Déjà là, juste cette scène de bowling-là, j'aimais déjà ce que le film me montrait visuellement. C'est très coloré, c'est très très beau comme film visuellement. Puis comme tu disais pour Moulin Rouge, ce film-là est intéressant parce que sa soundtrack est très variée. Ça peut être acoustique, ça peut être électrique, ça peut être de la musique électronique ou que ça peut être quasiment de la musique irlandaise à un moment donné dans une scène parce que les gens dansent de l'irlandais. Ou juste utiliser des objets pour faire des sons puis partir un beat. Exactement, à la fête foraine à un moment donné, on voit ça. Puis c'est ça, c'est pas du tout dans le même genre de Moulin Rouge qui est très extravagant musicalement avec son gros orchestre puis l'opéra et tout ça, mais c'est varié dans sa, à sa manière aussi, puis ça, ça nous ennuie jamais, tu sais. Puis ça fit selon les scènes, tu sais. Ça fit, puis c'est rafraîchissant. Je trouve que ce film-là, il y a une bouffée de... Il y a quelque chose de rafraîchissant qui me plaît, autant dans sa musique que dans le film tout court. Puis ça aurait pu être un gros dégât, un gros n'importe quoi, dans le fond, avec plein de genres musicaux différents, mais non, ça marche, je trouve. Il y a une bonne cohérence quand même, une bonne cohésion dans tout ça. Oui, puis la première scène musicale que t'as dans un film, c'est avec une chorégraphie que moi, j'ai trouvé vraiment originale. Ça se passe dans un espèce de petit théâtre, puis tu vois juste des personnes arriver en chaise roulante, comme s'ils sont handicapés, puis là, t'as comme une chorégraphie qui part avec ça, puis... Parce que dans le fond, les quatre gars, ils travaillent dans une clinique du docteur, en tout cas, dans ma version, c'était docteur Beau. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, lui puis son fils, c'est quoi déjà son fils, comment il s'appelle? Ah, je me souviens plus. Mais anyway, lui puis son fils, ils ont cette clinique-là, les quatre personnages, les amis à Jay Show, puis lui-même travaille dans cette clinique-là, puis c'est ça, t'as cette chorégraphie-là de gens qui sont dans des chaises roulantes, puis avec des gens d'infirmières, t'sais, puis c'est intéressant, ça, c'est intéressant cette première scène-là. Puis là, pour ceux qui se disent, moi je suis déjà habitué, j'en écoute beaucoup, mais ouais, mais des musiques chantées... Ben, en chinois ou en taïwanais, c'est quoi la... C'est-tu en entraînant pareil que c'est... on l'écoutera en anglais? De toute façon, vous pouvez déjà comprendre les paroles, elles sont sous-titrées en dessous. Mm-hmm. Mais moi, oh, j'adore toutes les chansons du film. Elles sont toutes variées. Puis moi, je suis habitué d'écouter des films dans ce langage-là. Fait en chanson, j'en ai déjà écouté beaucoup, puis je trouve que c'est une belle langue, puis ça a des belles chansons, puis ça a une belle manière de s'exprimer, veut pas. Par moments, c'est assez spécial, dépendant des chansons. Je voulais juste mentionner, à ce sujet-là, c'est drôle, parce que, petite anecdote, quand j'ai rencontré ma blonde, elle restait sur la rue Papineau à Montréal, puis elle restait pas loin d'un restaurant qui s'appelle Les Épices de Sichuan. Puis, je sais pas si ça existe encore, mais à chaque fois qu'on allait au restaurant, aux Épices de Sichuan, il y avait tout le temps de la musique qui jouait en background, puis c'était de la musique traditionnelle chinoise. Puis des fois, ils faisaient des versions genre de tunes populaires occidentales, mais en musique traditionnelle chinoise, avec des instruments traditionnels, tout ça. Tu avais genre Hello de Lionel Richie qui jouait, ou tu avais une tune de n'importe qui là, qui jouait, une tune super quétaine. Puis on avait tout le temps ça en background, puis ça nous faisait rire, ça faisait partie du charme de la place. Puis quand j'ai dit à ma blonde que j'allais écouter un film musical chinois, elle dit, ben, elle dit, si je me fie à la musique des Épices de Sichuan, je me demande de quoi ça va avoir l'air, la comédie musicale chinoise. Mais c'est ça, j'ai été hyper surpris, parce qu'on reste quand même dans du familier, parce que c'est très occidental dans le sens où on a de la musique rock, musique acoustique, guitare acoustique, on a de la musique, comme je disais, irlandaise. Fait qu'on n'est jamais vraiment dépaysé, c'est pas traditionnel chinois, c'est musique très mondiale, très... C'est ça, c'est pas des instruments typiques qu'on peut entendre d'habitude dans ce genre de production-là. Non, c'est du rock, c'est des trucs vraiment très... Puis il y a quelques petites chansons en anglais qui sont plus des chansons de background, puis des chansons qui jouent justement sur le gros gramophone, mais en général c'est tout du chinois, puis ça s'écoute très très bien. Puis moi, pour être un gros gros fan de musique de Bollywood, puis écouter de la musique en indien, de la musique en chinois, ça me dérange pas pantoute. Ouais, non, c'est peu ça. Importe en quelle langue une chanson va être chantée, si elle est bonne, la chanson, on s'en fout. Non, je suis parfaitement d'accord. Fait que non, pour ça, ça m'a pas dérangé. Puis non, c'est ça, c'est vraiment... c'est un film dans lequel j'ai envie de me plonger, là, puis de rester là, là, puis c'est un univers tellement, tellement charmant, tellement attirant, tellement... Puis toutes les places qu'il a choisies pour tourner ces scènes, c'est tout le temps des... C'est jamais ordinaire, c'est jamais un coin banal. Toutes les places sont vraiment choisies judicieusement, puis je suis sûr que tu vas dire la place que je pense. Là. Juste la place où ce que Jay Chou est sur le bord de sa voiture, puis il attend... Pour que Starling elle sorte dans du studio de cinéma, je sais pas pourquoi, puis il l'attend là, sur le bord. Caché, là? Ouais, il est sur le bord de sa voiture, il est sur le bord du trottoir, ben, tu sais, sa voiture est parquée, en tout cas. Puis il l'attend, puis il y a comme un... L'entrée est comme faite dans un genre de gros cercle orange, je sais pas trop quoi, mais c'est beau, cette place-là. Puis, oui. Puis la fin aussi, quand ils s'en vont à la première du film, quand tu vois nos quatre protagonistes qui arrivent dans leur char, t'as un plan où ce que tu vois juste la grande bâtisse de loin, puis c'est comme my god que c'est beau. Ouais, vraiment. Les couleurs de cette place-là, puis tout, la manière que c'est éclairé, c'est tellement beau là. Puis je pense aussi parce que comme on disait, à un moment donné, Jessou va arriver sur un plateau de tournage, il va penser que la fille est en danger, fait qu'il va aller péter à la gueule aux acteurs, mais dans le fond, ça n'était pas réellement en danger. puis ils vont décider finalement de le prendre comme cascadeur du film, puis ils vont tourner une scène où il doit sauter en bas d'une genre de falaise où il y a un fort, puis moi cette place-là, je la trouve vraiment, je sais pas, le décor de toute cette scène-là, je la trouve écœurante, c'est vraiment une place, je suis comme, mon Dieu, où c'est qu'ils sont allés tourner ça, j'ai jamais vu ça dans un autre film chinois ou taïwanais, c'est vraiment une place qui semble... Comment je pourrais dire? Apaisant, ça me rappelait quasiment la Gaspésie un peu. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, moi, ça me plaisait beaucoup. Puis un autre point aussi que j'aime bien, c'est que les. Ben, pas toutes, mais il y a quelques fêtes de scènes de fêtes qui sont chorégraphiées puis musicales aussi. Puis la première qu'on va voir dans un sauna où ils vont aller chercher de l'argent, est comme, c'est comme un genre de tango, mais. C'est un combat en même temps. Puis... Comme juste avant de se battre, juste avant de vous battre, on va chanter une petite chanson. T'sais. Puis durant la chanson, il dit bah, « je vais te fesser, je vais te faire ci, je vais te faire ça. » Puis ça me fait tellement rire. Là. Mais la scène est vraiment le fun. C'est vraiment c'est un combat, mais en musical, chorégraphié, puis ça marche. Même ça, ça marche. La première scène sur le toit, j'ai justement remarqué que Jay Chou, il dansait vraiment bien. À un moment donné, on a une scène où tout le monde sur le toit danse sur le rooftop, puis je pense que cette scène-là, en fait, se passe dans la tête de Jay Chou, mais c'est pas grave. On les voit danser tout le monde, puis lui, il bouge vraiment très, très bien, puis je pense que, justement, ça va avec le fait que le gars, il connaît ses arts martiaux, il connaît son kung-fu, puis tout, puis tu sais, je veux dire, ça demande une agilité, ça demande une certaine souplesse et tout ça, fait que tu sais... Surtout aussi que c'est un gars qui est habitué de danser, tu sais, comme je disais, c'est un peu, c'est le Justin Timberlake asiatique, fait tu sais, il chante puis il danse constamment, puis comme tu dis, il fait les chorégraphies du film aussi. Fait qu'il danse très très bien, il bouge super bien, puis la scène, comme tu dis, dans le sauna, est super le fun, tu sais, il danse, il se bat en même temps, puis ça marche à fond, là. Puis j'aime beaucoup aussi l'histoire d'amour t'embarque, est pas comme dans Moulin Rouge de... adolescente, si on veut. Non. Puis je trouve qu'elle est vraiment bien développée. Rien arrive rapidement. Elle tombe pas tout de suite amoureuse du jour au lendemain. Je veux dire, tout y va avec un développement, puis ça prend du temps à leur relation. Puis ça, j'ai aimé ça. J'aime ça que ça soit pas garroché. Puis il y a une scène que je trouve... Tu sais, autant ça pourrait être trop quétaine, parce que à force de trop en faire, c'est comme, OK, non, gars, c'est une surdose. Autant là, la scène est juste vraiment trop cute et écœurante. Genre, tous les moments qu'il va passer avec elle, il va tout le temps la prendre en photo. Puis, il va tout prendre les photos d'elle, les mettre sur un mur. Mais avec toutes les photos d'elle, ça va faire... Une genre de mosaïque, là. Ouais, une genre de mosaïque géante de son visage à elle. Puis là, c'est comme le moment qu'il va décider d'y faire comme sa déclaration d'amour qu'il aime vraiment. Puis là, tu sais, il fait vraiment de manière originale. Il va montrer ça avec ces photos-là. Ensuite, tu vas avoir une espèce de jeu de... D'ombre chinoise qui est vraiment... Ça, c'est ma scène préférée, ça. C'est ma scène préférée. Moi aussi, j'adore cette scène-là. Puis ensuite, après cette scène-là, il va arriver sur une genre de perche là, avec une rose à la main. Puis, je me rappelle, tout le monde dans le cinéma au Fantasia était comme... Oh! La scène des ombres, je l'ai montré tout de suite après à Caroline, après avoir vu le film. J'ai fait, faut que je te montre ça, c'est super beau, là. Ah, super, est vraiment cool le film. Puis c'est ça qui est le fun dans le film, c'est juste rempli de plein de bonnes petites idées comme ça qui font du bien. Puis c'est vraiment génial. C'est ça que je disais, ça a vraiment un côté rafraîchissant qui me plaît dans ce film-là. Puis la seule chose qui me dérange chez elle, chez Starling, c'est son côté où ce qu'elle fait juste réagir à ce que lui fait, puis elle a pas grand-chose à faire. T'sais, dans ce sens-là, Satine, dans Moulin Rouge, est un personnage beaucoup plus fort, qui a des trucs à dire, qui a une ambition de devenir actrice, tout ça. Tandis que Starling, elle n'est pas une nunuche, elle n'est pas une nounoune, mais elle fait pas grand-chose. Non, c'est vrai. Elle est juste cute. Elle est vraiment très, très cute, puis elle est juste là pour réagir quand lui lui montre quelque chose, quand lui fait ses déclarations, puis tout. Puis c'est elle, tu sais, qui se fait diriger par son père, elle se fait diriger par tout le monde, mais elle fait rien. Non, c'est vrai, t'as raison. Puis même à la fin, c'est pas elle non plus qui résout le problème, tu sais, elle va se faire... Tu sais, dans les 20 dernières minutes, elle va se faire jeter en dehors du char, elle fait rien dans le film, elle fait rien pour améliorer les choses, tu sais. Elle a fait juste suivre le courant de pas mal tout le monde qui l'entoure. Là. C'est ça. Que ça soit bon ou mauvais pour elle. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut-tu vraiment être actrice? Ben, elle s'est ramassée là-dedans parce qu'elle est actrice. Parce que son père a des dettes. Son père a des dettes de gambling. Puis il doit de l'argent à William. Fait que William l'a engagé dans un film. T'sais. Fait que c'est ça dans le fond. T'sais. Mais c'est ça. On sait pas qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Puis à part le fait qu'elle est amoureuse de lui. Mais comme tu dis, ça prend un certain temps là, avant que ça se développe. Puis elle est pas forte. Mais pourtant, je l'aime beaucoup. Je trouve ça n'enlève rien au fait que c'est super cute. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment très très cute. Puis j'adore les scènes avec eux autres. Puis, mais c'est ça, il y a juste ça là, que c'est pas un personnage fort. Non, non, c'est vrai, là tu as raison. Mais parlant encore de scène cute, parce qu'il y en a tellement dans le film que j'ai juste envie d'en parler. Il y a un moment où ils vont faire une grosse sortie sur une petite île, ils vont y aller en espèce de bateau qui est un cygne. Puis quand t'arrives là-bas, ça a juste l'air d'une fête foraine, comme tu t'amuses à pêcher des poissons, à des petits jeux, tous des petits jeux de même, péter des ballons avec des jeux d'or, puis... Juste quelque chose qui a l'air tellement le fun. Tu sais, même cette petite place-là sur l'île a l'air magique puis le fun. Puis dès qu'ils arrivent là, elle veut pas se faire reconnaître forcément. Fait que c'est drôle, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour la reconnaître, l'autre il fait tout le temps un signe. Là, t'as comme le gars qui annonce un peu des choses au micro, les spectacles. Puis à un moment donné, il le regarde. « Oh, nous avons une star! » Puis là, t'as juste Jisoo qui le pointe en voulant dire comme « Ta gueule, t'as rien à dire, sinon je te pète. » Puis Le gars, il se reprend en disant une star ne viendrait jamais ici. Ben ouais. Puis là, ensuite, tous les personnages, comme pour nous faire découvrir cette place-là, vont juste commencer à chanter. Puis ouais. C'est ça, c'est comme tu disais, là, c'est les instruments. Les instruments, dans le fond, c'est des objets. Les objets, des bouteilles de vite. Puis j'adore le combat dans cette scène-là aussi. Ce que m'a amené Jisoo avec une gang de méchants, dit il y a 4 dés dans les mains. Puis il dit quand les dés vont arrêter de tourner quand je vais les avoir lancés, puis qu'ils vont être tombés dans le bol, puis qu'ils vont avoir fini de tourner dans le bol, vous allez tout être à terre. Oui. Puis il avait raison. Mais on n'a pas beaucoup parlé du méchant de Big Red. En tout cas, dans ma version, c'était Big Red son nom. C'est pas une si grosse menace, il est là, tu sais, je trouve pas l'acteur si bon que ça. C'est juste vraiment vers la fin là, qu'il devient super violent. Là. Mais, vraiment méchant. C'est ça, cette histoire-là m'énerve un peu. Surtout que c'est tellement ridicule. Dès le départ, la première fois qu'on voit la gang qui, dans le fond, s'appelle le City Housing Authority, dans le fond, c'est un genre de truc qui ramasse de l'argent des logements et tout ça, qui extorque les gens de leur argent puis tout. La première fois qu'on les voit, tu vois le maire qui est là pour donner un genre pour féliciter le grand boss de cette affaire-là qui s'appelle Rango. Fait que le maire est là sur un podium, puis le podium est fait que c'est un gros signe de pièce, genre rouge et noir, c'est super gros. C'est comme, c'est pas subtil pas en tout. Nous autres, on est des méchants, là, c'est rouge et noir, puis c'est des couleurs, les couleurs, tu sais, d'habitude associées justement à des méchants, puis un gros signe de pièce, mais nous, on a les méchants, nous, on fait de l'argent, nous, on ramasse de l'argent, tu sais. Ouais. Là, on félicite Rango, parce que il est super bon là-dedans, puis tout, dans ce qu'il fait, puis tout, là, ben lui, il va commencer à dire à Big Red, ouais, tu sais, il y a moins d'argent qui rentre que d'habitude, puis tout, puis là, c'est là qu'on a le début de cette histoire-là, mais c'est pas... Puis ça, on a un des amis de Jisoo qui finalement est dans cette gang-là, c'est comme ça que Jisoo puis sa gang se ramasse avec eux autres, là, puis à ramasser de l'argent pour eux autres. Mais... C'est parce que, tu sais, même si c'est pas une grande menace, comme tu dis, c'est justement un peu l'effet que j'avais en écoutant le film, tu sais, c'est juste comme une petite guerre de gang, si on veut, ouais. Comme on pouvait voir à l'époque, puis je trouvais que ça fitait dans le contexte du film, tu sais, c'était correct, puis... Pas besoin que ce soit plus que ça. Puis je me doutais qu'à un moment donné, ça allait aboutir à de quoi à la fin. Mais moi, je pensais pas que ça tournerait ainsi. Puis je trouve que ça fitait juste pas dans le contexte. Parce que comme tu dis, il joue un méchant, mais pas si menaçant que ça. Puis il fait pas vraiment de mal à personne. Puis tout d'un coup, à la fin, il tue n'importe qui. Puis des fois, c'est vraiment gratuit. Là. Dans une salle, il va commencer à tirer sur plein de reporters puis de personnes qu'il connaît même pas là. Puis avec son evil rire là, comme on entend des méchants typiques là. Ouais, puis c'est ça, puis l'acteur j'ai pas trouvé super bon, puis c'était pas convaincant là, son rire. Non là, c'est ça. C'est pas un personnage que j'appréciais vraiment, mais tu sais, ses apparitions dans le film me dérangeaient pas plus que ça, tu sais, sont pas longues, puis c'était pas plus grave. J'étais comme ok, ils vont essayer de bad guy de service, pas plus grave là. Avant qu'on arrive à la fin, moi, je voulais juste mentionner aussi que je voudrais avoir un ami comme Brocoli, aussi appelé A-Lang. Là, Brocoli, c'est un genre de surnom. Mais c'est ça, j'adore ce personnage-là. Il est tellement drôle. C'est comme le gars un petit peu plus gros de la gang, avec les gros cheveux frisés, puis habillé, comme il dit dans... Tu sais, Jisoo n'arrête pas de l'écœurer en disant « Son linge ressemble à un pyjama », mais lui dit « Non, c'est mon costume de Woodstock ». Puis, c'est qui est drôle. Puis lui, il rêve de gagner une motocyclette pour la donner à sa mère. puis il joue au bowling pour gagner une motocyclette, puis il réussit à faire une partie parfaite au bowling, puis la motocyclette qui gagne, c'est genre une motocyclette pour enfants. Puis asti que ça me fait rire, parce qu'à un moment donné, on a un plan de la gang qui se sauve justement de Big Red, puis tout ça, puis t'as les motos qui passent devant à l'écran, tu sais, de... Puis, t'as lui qui suit en arrière avec sa petite motocyclette qui va vraiment pas long, là. Pis... vraiment pas vite, en plus. Il va vraiment pas vite, puis c'est ça, tu sais, c'est tellement... Il est tellement... C'est niaiseux, mais c'est tellement drôle. Puis ce gars-là, j'adore ses faces, j'adore sa manière de bouger, sa manière de danser, sa manière de... Toutes ses mimiques, là, tu sais, il a juste l'air d'un gros... gros enfant, puis tout, puis, tu sais... J'adore, c'est niaiseux, là, c'est un petit détail technique, là, mais le petit flashback qu'on voit de lui avec sa mère, là... Le petit acteur qu'ils ont choisi, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Puis le genre de petite passe où ce qu'on voit son visage qui morphe, le visage du jeune qui devient le visage du vieux, juste avant qu'il fasse sa partie parfaite, c'est comme wow! Le gars, il lui ressemble vraiment. Là, on pourrait quasiment croire que c'était lui quand il était jeune. Là. Il a le même nez, la même face exactement. Là, c'est peut-être son fils dans la vraie vie, je sais pas, mais en tout cas, il a vraiment la même face. Là. C'est drôle, tu mentionnes la scène de la motocyclette. J'adore cette scène-là parce que un coup. J'en parle, puis je trouve ça encore drôle. Un coup qui réussit là-bas, t'as juste un gars qui sort de l'allée de bowling. Oui. Puis on dirait que le gars, tu sais, il a passé l'éternité là, puis qu'il attendait juste que quelqu'un fasse une partie parfaite. Je sors pas souvent d'ici. Ah, pour être honnête, je suis jamais sorti d'ici. Puis tu le vois arriver, puis au moment qu'il sort, tout, là, j'adore déjà là, t'as toutes les filles qui commencent à se lever, puis à partir un beat à claquer des mains. Puis lui, t'as lui qui arrive avec des mimiques. Avec des clins d'œil puis le gros sourire de côté comme Elvis quasiment. Puis il commence à faire une chorégraphie. Puis là, sa chanson est tellement drôle. Là, puis c'est comme... Je sais pas, cette scène-là, je la trouve tellement fun. Puis ce gars-là, il est comme... Il a juste l'air d'un freak. Puis là, t'as même le gros avec la touffe, justement, qui le dit. Il est comme... C'est quoi, ce freak-là? Puis il a juste l'air dans un autre monde, là. Puis je trouvais ça tellement drôle, cette scène-là. Puis... Parlant de chansons qui me fait rire, je reviens sur la petite île où il y a une genre de fête foraine. T'as le gars qui anime à cette place-là, qui chante une chanson aussi. On vient juste d'en parler. Mais sa chanson, c'est genre Achou, Achou. Ouais. Tout le monde fait semblant d'éternuer. Tu peux m'amener à la fin de la chanson, il fait comme éternuer dans ses mains, puis il se regarde les mains, il fait dégueulasse ça. Fait qu'il s'essuie sur un genre de foulard qui vend dans sa petite boutique. Puis c'est dégueu, ça a juste fait rire, cette petite affaire-là. Ah, il y a tellement de petits détails, le fun, tu sais. Mais tu sais, tu parlais du gros qui est le fun. Moi, j'aime ses trois amis, tout court, qui traînent tout le temps avec lui. Oui. À un moment donné, juste pour le fun, ils sont comme, hey, check ça, on a fait une chorégraphie, puis ils commencent à faire une chanson, puis ça ressemble quasiment à une chanson Beach Boy un peu, puis ils font une petite chorégraphie. Ils disent que c'est genre le thème du vendeur de homard, de crevettes, je veux dire, de shrimp, là, tu sais. Puis t'as la chanson qui commence, puis les autres commencent à faire à danser comme ça niaiseux, là, tu sais. C'est super le fun, là. Sinon, mon Dieu. La fin? On va commencer... Bon, on va y aller avec la fin, parce que sinon, on pourrait juste vous dire toutes les bouts fun, cute, ou peu importe, qui sont réussis visuellement, parce que durant la 1h30 avant la fin, c'est rempli, puis c'est juste ça. Tu t'emmerdes pas une seconde. C'est 1h30 non-stop de scènes le fun, d'idées visuelles, de personnages colorés, de chansons. Puis les chansons... autant chantées que juste musicales, sont là à un super bon rythme. Tu sais, il y en a tout le temps sans en avoir trop. Fait que c'est jamais une surdose. Sont super bien placés. Puis c'est juste le fun à chaque fois. Des fois, il y a des films que je trouve que c'est comme... OK, laissez un petit laps de temps entre deux chansons. Là, ça sert à rien d'accumuler 3-4 chansons d'affilée aussi rapidement. Puis dans ce film-là, elles sont toutes bien éparpillées. Puis j'aime ça quand c'est bien placé comme ça. Ah, ça, je suis d'accord. Puis, si jamais vous voulez pas écouter la version, la section spoilers, puis vous voulez skipper tout le reste de l'épisode, ben moi, c'est un film que je recommande absolument. Puis, éventuellement, je vais me l'acheter. C'est un film que j'ai envie de revisiter. C'est un endroit que j'ai envie de revisiter, le rooftop, tout ça. Là, c'est quelque chose que je voudrais vraiment revoir prochainement. Là, puis, tu sais, je l'ai mis dans la section navet nanar, mais c'est plus. Tu sais. C'est pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un navet, vraiment pas un navet, puis encore moins un nanar. C'est plus. Je l'ai mis là-dedans à cause qu'il y a un petit côté naïf, si on veut, dans le film. Puis je pense que c'est plus les 20 dernières minutes par moment que j'étais comme. On n'est pas loin d'un nanar, là. Mais c'est niaiseux parce que ce que je reprochais à Moulin Rouge, je pourrais le reprocher à celui-là aussi, puis ça me dérange pas dans celui-là. Peut-être parce que je le découvrais, parce que c'est plus récent dans ma tête, mais. Ben, peut-être pas, t'as pareil, la même mentalité. Je veux dire, même si la première Ouais. fois tu le vois, ça t'aurait dérangé. Tu sais, mettons, t'aurais découvert Moulin Rouge pour la première fois, mais tu aurais sans doute dit ce que tu nous as dit tout à Ouais, l'heure, là, que probablement. c'est un amour trop adolescent puis farfelu. Parce que c'est ça aussi là-dedans, ça qui est bizarre, mais je trouve ça tellement cute la manière que c'est amené, là, fait que... Puis il y a des parallèles à faire avec un autre film que je n'ai peut-être jamais parlé. C'est un film que j'adore, c'est un film indien justement qui s'appelle Om Shanti Om de 2007, où tu as un jeune homme qui est amoureux d'une fille qui est actrice, puis que la seule manière qu'il a de la voir, c'est sur le gros billboard devant chez eux. Fait que c'est pareil comme dans The Rooftop, t'sais, il parle avec ça, OK. avec le gros poster. Puis ça a été fait justement 2007, donc 6 ans avant The Rooftop. Ça se peut que ce soit. Que c'est ça là que Jay Chou a pris son inspiration. Parce que Om Shanti Om était extrêmement très très très populaire. C'est un des films indiens les plus populaires. Puis même que je devais éventuellement faire un film un épisode avec Sylvain Desmentis là-dessus, mais je suis pas capable d'en parler pour m'en moquer de Om Shanti Om. J'aimerais ça éventuellement peut-être faire un bras de fer parce que pour moi c'est un genre de classique moderne, mais je peux pas en parler en mal vraiment. Je peux pas en parler J'aimerais ça pour m'en découvrir. moquer parce que c'est un film que j'aime trop. Je l'ai vu des dizaines de fois. T'sais. Mais Mais tu c'est sais, ça. regarde, The Rooftop, j'ai pas envie de m'en moquer une seule seconde. Là. Comme je l'ai dit, je m'attendais aucunement à autant avoir du fun lorsque je suis entré dans la salle du Fantasia. T'sais. Je pense que c'est ça qui est le fun, t'sais, tomber sur une surprise. Puis c'est drôle, avant d'entrer, ils donnaient plein de posters. Je me rappelle pas si ils sont autographiés. En tout cas, t'avais plein de posters du film à l'entrée, puis je n'avais pas pris un, je pense, puis je le regrette. Y avait-tu quelqu'un de l'équipe, quelqu'un du casting qui était là? Non. Non. Non, malheureusement. Mais le film jouait en plein Ouais, après-midi. ok. Je sais pas. Mais... C'était pas une première, c'était pas un gros événement, là. Ben, c'était la première canadienne, mais je sais pas à quel point que le film, si c'était un film bien entendu des fans de Jay Chou, Ouais. c'est difficile à dire. Puis je voulais juste aussi pour ceux qui nous écoutent puis qui ont été déçus par mon opinion par rapport à The Killers, je me rends compte aussi, tu sais, je suis pas niaiseux, que The Killers, je sais c'est quoi son influence sur le cinéma, je la comprends. Puis The Rooftop, elle cote pas ça. The Rooftop, c'est pas The Killers. Puis tu sais, je dis pas que c'est meilleur nécessairement. Moi, ça me rejoint plus parce que j'aime les films musicaux et tout ça. Puis il y a quelque chose de très très beau dans le romantisme de tout ça. Puis il y a des trucs qui me gossaient dans The Killers qui vont continuer à me gosser probablement toute ma vie, mais un jour je leur verrai. Mais j'ai pas nécessairement, t'sais, c'est ça, j'ai vu The Killers une fois. Puis j'ai pas eu cette envie-là de le revoir comme j'ai envie de revoir The Rooftop. Mais c'est quelque chose de personnel. T'sais. Une opinion pour un film, c'est tout le temps personnel. Puis j'ai pas à me justifier, c'est sûr, là. Mais je C'est voulais juste personnel, mais je que. savais que celui-là serait dans tes goûts. Tu sais, je l'ai pas choisi pour rien. J'ai comme fait, c'est dans la palette de qu'est-ce que JF aime. Tu sais, je me disais, si JF aime pas le film, s'il aime pas son visuel, s'il aime pas le fun de ses chorégraphies, ces choses-là, sérieusement, j'aurais comme fait. Bon, ben finalement, gars, je te conseille plus de films asiatiques. Désolé, je sais pas, ça marche pas, là. C'est ça, mais je voudrais pas que le monde, t'sais, pense que si vous adulez The Killers puis que c'est le meilleur film au monde, vous êtes tout à fait vous avez tout à fait le droit, puis c'est tout à fait correct, puis c'est tout à fait justifié. T'en fais pas avec ça, Non, non, c'est ça, mais Jeff. T'as t'sais, pas à te justifier, là, en tout gars. cas. C'est possible de pas triper autant sur un classique, puis Ben, tout à t'sais, fait. c'est une question de goût, C'est ça. de goût personnel, puis t'sais, tu peux plus aimer The Rooftop, même si Rooftop est un ben moins bon film que The Killers, tu peux pareil plus aimer Rooftop parce qu'il y a plus d'éléments qui t'ont plu dedans. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est ça. Fait que, section spoilers. Je comprends pas les motivations de Jay Chou dans le final. Si. Pourquoi est-ce qu'il veut commettre ce geste-là qui est genre essentiellement un genre de Suicidaire. suicide pour ce gars-là, Big Red? Ok, je comprends, tu sais, Big Red avait failli violer Starling et tout ça, puis il a tué bien du monde, tu sais, mais en même temps, Jay Chou, tout à coup, devient le super-héros, tu sais, puis. C'est fou comme final. Puis ce qui me gosse, en fait, c'est même pas ça. Ce qui me gosse, c'est le fait qu'il, justement, il va faker son suicide. En fait, il va. Ben, pas nécessairement le faker. Je pense que sur le coup, il pensait qu'il allait mourir. Puis une fois qu'il est tombé dans l'eau avec son char, là, on pense qu'il est mort, mais on devine. Veux dire, à la fin, on se rend compte qu'il était pas mort, qu'il est encore vivant, peut-être 30 ans plus tard, quelque chose comme ça. Mais pourquoi ça y a pris, genre, 30 ou 25 ans ou 20 ans pour réapparaître? Alors qu'il est juste en chaise roulante, je veux dire, peut-être qu'il était dans le coma pendant un bout de temps, là, on peut le supposer, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps-là au lieu de revenir plus tôt, puis de dire à Starling, hey, tu sais, gars, je suis encore en vie, j'ai besoin de réhabilitation, j'ai besoin d'une chaise roulante, tout ça, mais on pourrait peut-être se starter une famille, on pourrait peut-être vivre ensemble, tu sais, puis avoir une vie de couple plus longtemps, plutôt que j'aille te revoir juste quand on va avoir 50 ans, puis la moitié de notre vie est passée, puis ça, c'est plus vraiment le temps d'avoir des enfants, là, tu sais. Sais-tu quoi? J'ai pensé la même affaire. On a tous pensé la même affaire lorsqu'on est sorti du Fantasia. Puis, là, je l'ai réécouté, le film, puis Chantal l'a revu avec moi à la fin. Puis elle me dit que, dans le fond, c'est pas ça. On pense ça, mais c'est ambigu. C'est pas ça, pas en tout. Il y a pas l'air d'avoir réapparu, puis elle l'avait pas revu. Elle a même pas l'expression faciale de comme faire « Oh, t'es en vie ou rien. » C'est vraiment juste comme... On a, dans le fond, ils ont vécu toutes les années ensemble, puis il est pas mort, puis ils ont juste vécu une belle vie, puis c'est comme une exposition, puis ils sont les deux là, parce que les deux se regardent avec un sourire en étant contents, mais je veux dire, ils n'ont pas l'air d'avoir une expression du genre « Ah, oh, mon Dieu, on se retrouve après tant d'années », ça a juste l'air vraiment d'être un vieux couple qui sont juste ensemble à une exposition, puis que ça fait longtemps. Peut-être, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un petit recul, genre « Hein, tu sais, je suis surpris de te voir, mais il faudrait... » Là, je recheck encore. Mais... Parce que moi, c'est ça la première impression que j'ai eue, mais après que Chantal me mentionnait ça, je me disais, ouais, ça fait un peu du sens, parce qu'il me semble que leur réaction manque de réaction pour des deux amoureux qui se sont pas vus depuis des lustres, là, mettons. Ouais. Mais on peut se poser plein de choses, mais c'est ça qui. Moi, ça me gossait, là, mais maintenant que tu le dis, ouais, ça, c'est vrai que ça pourrait être ça, puis ça serait mieux. Là. Sinon, moi, elle est longue, les 20 dernières minutes sont longues. Oui. T'as une poursuite en voiture longue, plate. Elle est pas palpitante, pas en tout. Elle est pas palpitante, puis elle est mal faite. C'est du gros CGI raté qui semble sortir d'un vieux jeu de vidéo de PlayStation 1 par moment. Là, tellement la physique semble raide. Là. Puis c'est complètement inutile. Je veux dire, ça sert à rien. Puis même en termes d'action, ça n'apporte même pas une dose d'action. Puis... Je trouvais ça plate parce que j'arrivais au moment où elle est sur le bord de se faire violer. Là, je suis comme, non, j'aime pas ça. Pourquoi ça fait ça? Là, ensuite, ça continue à être la longue poursuite. Je suis comme, non, j'aime vraiment pas ça. Pourquoi ça continue même? Là, après, il se suicide. Je suis comme, non, définitivement, j'aime vraiment pas ce que t'es en train de finir ton film. Puis je trouvais ça vraiment dommage. Je comprends pas qu'est-ce que Jishu a pensé en faisant ça. Puis en plus, dans ces 20 dernières minutes-là, il a complètement largué ses amis. Ouais, qui sont restés là-bas. Là, on sait même pas qu'est-ce qui arrive avec eux. La dernière fois qu'on les a vus, c'est sur la scène, tu sais, après que Big Red ait tué plein de monde, tu sais, puis là, ils sont complètement largués, puis on sait plus qu'est-ce qui se passe, puis ça me déçoit parce que c'est tellement pas ça, c'est tellement deux films différents, là. C'est deux tons différents, puis c'est plate parce que là, ça t'enlève le sourire que t'avais durant le 1h30, puis t'as comme un vague sentiment de déception, puisque t'aurais voulu que le film finisse sur une bien meilleure note que ça, là. Ben oui. Puis je me rappelle, je sortais de la salle du Fantasia, puis j'étais comme, asti que c'est dommage, parce que j'étais prêt à dire que c'est peut-être un des meilleurs films que j'ai... Ben, le meilleur film, pratiquement, que j'ai vu du Fantasia en termes de fun. Puis je dis, ces 20 dernières minutes-là viennent m'agacer. Je dis, c'est vraiment dommage. Mais tu sais, avec du recul... Je suis capable de les laisser de côté puis comme faire ben ouais, sont ratés, mais ça gâche pas le fait qu'il y a 1h30 que j'aime tellement que je suis comme gars, c'est rien de 20 minutes sur 2 heures. Là. Non, c'est ça, exactement. Moi aussi, ça m'empêchera pas de revoir le film encore. T'sais, ça fait 3 fois que je le vois puis j'ai autant de plaisir. Là. Ben c'est ça. C'est vraiment. Il y a vraiment une force de réécoute de film, là, tu sais. C'est fou, là. C'est... Mais t'as réussi à pogner la soundtrack? J'ai pas réussi, moi. Faudrait va falloir que tu m'aides, là. Ben, j'ai vu qu'elle était sur iTunes, mais ouais. Puis l'intro générée du film est tellement fun. Comme je le disais, pour le côté CGI ou décor, c'est fait comme un livre de carton 3D, mais le générique est vraiment fait de même en livre qui s'ouvre avec des pages. Le générique de fin aussi est fait en pop-up book aussi. Ouais, puis ils sont tellement fun avec le thème... que Jeff l'a mis tout à l'heure, puis je l'avais juste en tête, là, ça n'arrêtait plus. Là, il va quasiment falloir que tu mettes un extrait là, pour leur montrer c'est quoi ce thème-là. Mais sinon, je sais pas quelle chanson t'aurais voulu mettre de toute manière pour le film. Ah, oh, attends, vas-y, maintenant. Tu l'entends-tu? Oui, je l'entends. Elle est tellement fun, ça. J'entends juste Chantal dans le background qui est comme franchement. Ok, on va l'arrêter. Mais non, là, je la ferai jouer après l'épisode. Puis, en fait, une tune que je voulais faire jouer, mais qui me plaît beaucoup, c'est quand Wax y amène Starling pour la première fois sur le rooftop. Puis là, les gens sont comme tout étonnés de la voir, puis ils savent pas trop comment réagir. Puis là, il y a un personnage qui dit, ben, au lieu de ne pas savoir quoi dire, chantez-le. Au lieu de le dire, chantez-le. Puis là, tu as les musiciens qui sont là et commencent à chanter une petite tune acoustique. Puis il y a des genres de shoo-bidoo-wa dans la chanson. Puis j'adore ouais. ça, la petite tune un peu années 50. Là, puis ça, c'est une de mes tunes préférées du film. Oui, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la chanson qu'elle enregistre aussi en studio d'enregistrement. C'est super beau. Oui. Puis, non, il y a plusieurs des bonnes tunes. Là. J'essaie d'y penser, mais je les aime. Globalement, je les aime. Je les aime vraiment toutes. Mais j'en mettrai deux, trois, puis. Ben, justement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la scène après. Après la grosse déclaration cute que je parlais avec les ombres, puis tout ça. Ils commencent tout à faire une chorégraphie, puis tu sais, la scène continue à être. Irlandaise, là, ouais. Chorégraphie irlandaise, puis. C'est juste. C'est un peu Lord of the Dance, là, tu sais. Ouais, vraiment, là. Puis je suis comme, maudit que c'est le fun. Ouais, non, je mettrai celle-là, je mettrai celle que je parle, puis je mettrai celle-là. Ouais. C'est pas compliqué. Le mot fun est pas suffisant pour décrire le fun du film. Faudrait trouver un autre mot. Faudrait en inventer un. C'est complètement glouty. Glouty. Ouais, glouty. D'accord. Ça existe-tu, ça, non? Bon, glouty. On l'invente. On l'invente. The rooftop, c'est glouty. Ben, c'est ça. Moi, je le recommande définitivement. Puis, c'est un film qui me rend heureux puis qui est vraiment juste super le fun. Vraiment, là. Je vais mentionner un petit message que ta copine m'a envoyé sur Messenger. Elle m'écrit par rapport au film, elle dit « Jay Chou est considéré comme le Justin Timberlake asiatique. » Ça, tu l'as déjà mentionné. Ouais. « Il est une méga star en Chine et il a fait une grosse tournée de spectacle Rooftop où il jouait le film live, style Broadway un peu. Le film a méga marché et il était très attendu des fans de Jay Chou. » Fait que voilà. T'aurais-tu été la voir en pièce? Oui. Allez, c'est clair, là. Avoir eu l'occasion, oui. Peut-être qu'un jour, il va la refaire. J'aime tous les personnages, même les secondaires. J'aime tous les personnages. Comme tu disais, Tempura, Brocoli, Egg, les trois amis à Jay Chou. J'aime le docteur dans sa clinique avec son fils. Son fils qui est tout le temps « Papa, est-ce que je peux prendre ta voiture? » Puis chose « Non, tu peux pas, tu sais. » Elle ma voiture. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Puis là, « Papa, pourquoi tu m'as pas appris le kung-fu? » Mais tes jambes sont même trop courtes. Ah, puis il y a une scène tellement drôle lorsque justement c'est quoi que les autres essaient d'embrasser? Non, là, je pense que c'est la photo que sa copine est en train d'embrasser l'autre cascadeur méchant, si on veut. Puis ses amis essaient d'y cacher. Fait qu'à chaque fois qu'ils se promènent dans les rues, ils cachent les journaux, ils pitchent toutes les choses. Oui. Puis ils rentrent chez le docteur, puis ils sont comme ah, ici, là, on n'a pas à s'inquiéter, il n'y a pas de journal, puis il n'y a pas de télévision. Puis là, c'est la fête du gars, puis son fils, il a offert une télévision. Première chose qu'ils font en l'ouvrant, c'est tomber sur un bulletin de nouvelles qui en parle. Ouais, je trouvais ça vraiment drôle. Puis même la scène, t'as une scène de chanson où c'est la scène triste du film où que Jay Chou va chanter. Puis ouais, même visuellement, elle est super cool. Ah, cool, que j'adore ça, oui! T'as un moment où il chante, puis il est assis à terre, à genoux sur le ciment. T'as juste l'impression qu'il est comme sur le bord d'une falaise de glace en Alaska. Oui, c'est beau ça. Oui, puis plus la caméra descend, plus tu te rends compte, dans le fond, c'est juste un dessin qui est mais dessiné. Mais toute cette scène-là, quand il marche sous la pluie, puis ça fait, premièrement, ça fait sa chanson, c'est Crying in the Rain, ça m'a tellement fait penser à Mario Pelcha, là, mais, mais non, toute la scène, c'est tellement beau avec les passants dans la rue qui dansent, et puis ah, c'est tellement beau, là. Puis lui, il passe devant plein d'images de son amoureuse, dans le fond, mais c'est tout des dessins ou des photos d'elle, de publicité, tu sais, puis il passe devant un faux coucher de soleil avec une plage, tout de même, puis c'est jamais vrai, puis c'est à la fois quétaine, mais c'est tellement beau, là. C'est dur à décrire, tu sais, faut le voir, mais j'adore. Ben c'est ça, je disais, tout le film, on pourrait dire que c'est naïf et quétaine, mais... C'est fait avec un certain talent quand même, là, t'sais. C'est fait avec cœur. Oui. Je pense que c'est pour ça que ça marche autant. C'est tellement fait avec passion, puis c'est de qualité aussi que finalement, gaffe, c'est juste fun, là. Mais ça me c'est goody! Oui, c'est goody, oui. Mais ça me fait rire comment est-ce que, tu sais, justement, William, l'acteur superstar, va s'organiser justement pour se faire prendre en photo avec Starling, en train de l'embrasser, puis tout. Puis tous les bulletins de nouvelles, c'est comme la nouvelle de l'heure. William déclare son amour à Starling. C'est comme, ouais, mais what the fuck, on s'en calisse, là, tu sais. C'est comme Justin Timberlake qui déclare son amour à une autre actrice, là, inconnue, tu sais, une petite starlette, tu sais, ça fait pas les manchettes, là, tu sais. C'est drôle parce que, tu sais, Jisoo, il joue le cascadeur sur le plateau de tournage, puis c'est l'autre qui a toutes les scènes d'amour avec elle, puis à un moment donné, il fait un baiser, puis le baiser, il est vraiment long, puis il est comme, pourquoi il l'embrasse aussi longtemps? Puis à un moment donné, il est juste comme, cut! Puis là, le réalisateur pète une fuse. Il est comme, c'est qui a dit que c'est moi le réalisateur, c'est moi qui décide. Puis il est tout le temps en train de péter une fuse, ce réalisateur-là. Ah, oh, c'est ça qui m'avait très. C'est tellement une parodie de réalisateur, là, avec son petit béret, sa moustache super longue, son petit foulard dans le cou, son petit mégaphone. Là, c'est un cartoon. Là, ça peut pas être plus loin de la réalité d'un réalisateur. Là, mais c'est, non, c'est ça. C'est un réalisateur tel que se l'imagine un enfant. Là, d'une bande dessinée. Là. Ouais, oui. Il est tout le temps fâché, tout le temps. Alors, je pense qu'on a parlé pas mal de tous les personnages. C'est ça, il y a Rango, le gros méchant, qui est le boss à Big Red, qui est comme le chef justement de ce genre de petite mafia-là qui ramasse de l'argent des logements. Puis, mm-hmm. Tout ça, cette histoire-là n'est pas super le fun, fait qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est comme... Elle n'est pas si présente que ça non plus. T'sais, même au début, eux, ils vont aller voler, récolter l'argent dans un sauna, mais après ça, ils ne refont plus vraiment grand-chose par rapport à ça. Non, tu le vois de temps en temps qu'ils menacent ses employés puis tout, mais c'est pas une grosse menace. Puis ce gars-là va finir par se faire... Encore un spoiler, là, va se faire poignarder dans le dos par Big Red. Là, mais, Dans un moment comme... Avec la grosse musique orchestrale, puis tu sais, comme si c'est comme on serait dans un film de gangster, là. Je suis comme, non. Non, c'est ça. À part le gros problème du film, c'est sa finale. Sinon, c'est du vrai bonbon, ce film-là. Moi, j'ai adoré, là. J'ai vraiment adoré, là. C'est... Je pense qu'on aurait pu faire juste un épisode de ce film-là, puis juste mentionner toutes les bouts, toutes les scènes, tout ce qu'on aime. On a plus parlé de Rooftop que de Moulin Rouge. Je pense que c'était plus long le segment. T'sais. Mais crime sérieux, je suis vraiment content que tu aies autant aimé. Parce que lorsque tu m'avais écrit et tu avais dit « Ouais, je vais peut-être le continuer plus tard, je suis fatigué. » Je suis comme « Oh non, man, encore. Ouais, je me suis trompé alors que j'étais sûr de ma chute. » J'étais sûr que tu allais penser ça, mais vraiment, c'était juste parce que je m'endormais puis je me suis forcé à le finir parce que je voulais le finir. Mais tu vois, je me rappelais plus vraiment de la fin parce que je m'endormais trop à ce moment-là. Fait que j'étais comme c'était embrouillé dans ma tête. Fait qu'il fallait que je le revoie de toute façon. Okay. Mais je voulais le revoir. Est-ce que tu comptes te l'acheter? Oui, c'est ça. Je l'ai. Oui. Parce que tu peux avoir le Blu-ray pour 10$. Ok, ben parfait. Super. Il est vraiment pas cher. En tout cas, moi, dans les HMV, je l'ai vu à 10$. Je sais pas sur internet à combien, mais. Puis qu'est-ce qu'il y a dessus? Y a-tu des bonus, genre des making of, des trucs comme ça? C'est le genre de choses que j'aime. Faudrait que je vérifie. C'est distribué par WhiteGo USA, puis c'est eux qui distribuent maintenant pratiquement tout ce qui sort de l'Asie. Puis c'est vraiment une bonne compagnie. Le Blu-ray est de très bonne qualité. Mais il y a des films qui n'ont pas beaucoup de bonus. Puis je pense que celui-là, j'ai pas vérifié. Peut-être que je me trompe, mais je pense que juste comme le trailer, puis okay. Trucs de même. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses, puis j'ai pas remarqué. Ben, anyway, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça serait fun de voir un making-of ou de quoi comme ça. Oui. Une entrevue que j'ai échoué. Tu sais, des images du spectacle que Talon mentionne. Ouais, ça serait vraiment fun, ça. Oui. Bon, ben, je pense qu'on a fait. On a fait le tour. Ça conclut notre dernier épisode du mois de juillet. C'est cool, c'est notre 37e épisode quand même. Hey, ça va vite. En un an et demi, c'est fou. Mm. Là, on prend. Je dirais pas un petit break, là, tu sais, cet épisode-là sort, genre, la semaine du, quoi, 24, dans ce coin-là. Puis qu'on pense le break, dans le fond, puis ça va remplacer le time-out qu'on aurait dû faire. C'est ça. Puis de toute manière, même si on aurait voulu le faire, puis qu'on t'aurais pu trouver un horaire, puis moi, trouver un horaire, là-bas, j'ai pas d'Internet chez mes parents, fait que j'aurais même pas pu tourner l'épisode. Si un time-out à la fin du mois de juillet, c'est ça, je suis pas certain encore je vais pouvoir, mais on verra si on va en parler en privé de toute façon. Là, ça donne rien de trop mentionner tout ça au micro, mais on va avertir on va vous avertir, vous, le public. Le public à l'avance, de toute façon. Ouais. Au pire, ça va juste être au début août, là, parce que de toute façon, j'aurai pas vraiment le temps d'écouter des films dans les prochaines semaines. Je reçois beaucoup de visites ici. Moi, le problème, c'est que je vais en avoir trop vu. Ouais, mais... Désolé. Ben non, c'est correct. Fait que c'est ça, ben merci beaucoup à tout le monde de nous écouter comme à l'habitude. Ben merci à Steven de tes choix, c'était très intéressant, vraiment. Ah, fait plaisir, je suis très content de t'y apprécier. Et s'il y en a dans le public qui ont déjà vu Rooftop ou Moulin Rouge, donnez des commentaires, je suis vraiment intrigué. Puis si vous n'avez pas vu des films et que ça vous intéresse, mais crime foncé, The Rooftop il est sur Netflix, si vous voulez peut-être pas forcément l'acheter. Si vous n'êtes pas sûr, c'est quand même facilement trouvable. Moulin Rouge aussi, facilement trouvable. Vous pouvez le trouver comme moi en version usagée, mais faites attention, le disque pourrait être scrap un peu. Ben même le Blu-ray, je pense qu'il est comme rendu à 7$ bon. Au HMV. C'est, pas grand, c'est quasiment moins cher l'acheter que le louer. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que non, puis c'est des films avec des soundtracks incroyables. Fait que procurez-vous les soundtracks, puis écoutez ça en votre char, puis c'est super le fun. Amusez-vous! Fait que on se reparle bientôt. Suivez-nous toujours sur Facebook et ailleurs, Twitter, tout ça, le site internet, tout est là. Fait que on va se laisser en musique avec des tunes de Rooftop qu'on n'a pas encore choisi exactement lesquelles, mais même si je vous disais les titres, ça serait en taïwanais et je ne parle pas le taïwanais. Fait que ben sur ce, à la prochaine et passez une bonne fin de mois de juillet. Et à toi aussi, Steven. Je suis tout en train de me parler par-dessus toi durant les finales. Je suis pas bon dans les finales. Ah, oh, ça n'a pas d'allure. Fait que bon été et on se reparle dans peut-être quelques semaines, tout au plus. Bye bye. Vas-y, punk. Fais-moi plaisir. 醒来的朋友，你该不会是那个人吧？你们猜猜，我想我应该看错了，因为你美得冒泡，让我不敢相信自己的眼睛。别管他们了，尽快点，快点跟我来，来感受一下，把整个夜景都踩脚下。就算这天的再美，也不可能比你的微笑更美。 把时间暂停一下，你到底在那边害羞什么？他叫巧克力，对了，你习惯吃巧克力吗？哦，还好，你随便去，谁问你啊？现在我确定。